Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le peur d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Gartin nous racontera dans quel pétrin s'est mis le monde dans son bulletin Gartin. Et Gabriel Béhoud fera son coquin en sortant ses potins d'improvisation dans les coulisses de la huître. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Ce mercredi 7 février 2018, on est à 79 jours de la fin de l'année scolaire, enfin une autre dizaine. Décembre de 80. Ouais. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où il fait moins 18 ce matin. Rabat-joie. Hey, frisquet, extrêmement frisquet à quand l'extérieur. Quand même. Comme mettez une bonne petite laine, c'est comme dirait ma grand-mère. Ah oui? Oh, oublie pas ta petite laine. C'est pour ça que tu mets ton petit foulard en son honneur. C'est ça. Hein? Bon. T'en plais ça. Aujourd'hui, l'émission, un peu comme chaque jour, hein, on perd des couches. Oui. Un peu comme un animal perd ses poils en muant. C'est ça? Ouais. En tout cas, bref, hein, c'est quoi qui fait l'animal? Ben, c'est ça, ça mue. Ben oui. Ben, ça dépend de quel animal on parle. Ben, sinon, les autres, ils font quoi? Ben, il n'y a pas de changement, là, je pense. Meurt. Aussi. Donc, on perd des morceaux encore. On perd Alex Marchand. Oui. Ça n'aura pas duré énormément longtemps, mais quand même, on l'apprécie. Sa chronique dans ma tête, pour l'instant, on va devoir faire un petit X là-dessus. Mm-hmm. Un petit X là-dessus. Plus disponible, malheureusement, notre ami Alex Marchand. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, en effet. Par contre, aujourd'hui, on va avoir Gabriel Béhoud, qui normalement est à 9h. Normalement, je dis ça entre guillemets parce que c'est pas toujours le cas, mais il va être à 7h30 avec nous aujourd'hui par téléphone. Oh, d'accord. Ouais. Donc, Gabriel Béhoud est dans les coulisses de la Luître, oui, tout à l'heure. David Ferron, qui normalement serait aujourd'hui. Va être demain pour deux chroniques. Petit remaniement ministériel au sein de l'horaire de cette semaine. Et retenez-la pas parce que ça va pas être comme ça chaque semaine. Non, c'est ça. Donc demain, David nous fera une chronique Zone Campus comme il ferait normalement aujourd'hui et une entrevue spéciale donc dans l'émission de demain pendant une heure. Wow. Comme il a dit, il va être une grosse pointe d'adresse à lui-même et moi j'ai texté Miam avec un bonhomme qui vomit. Oh boy. Donc les morceaux d'aujourd'hui seront, à part pour Gabriel Béhoud, évidemment Sébastien Gartin qui s'en vient pour sa chronique à Bulletin Gartin tout à l'heure. Oui. Toi aussi, tu vas être là, mais avec deux chroniques aujourd'hui pour remplacer nos morceaux manquants. Oui, bien, vous allez voir, en fait, aujourd'hui, il va comme y avoir une continuité dans mes deux chroniques. On va commencer en parlant de la digestion. OK. Puis, on va s'en aller vers le gluten. OK, j'espérais que c'était pas digestion et ensuite, est-ce qu'on évacue, là, c'est... On peut ne pas faire de chronique ouais, non, comme ça. Non, c'est ça, inquiétez-vous pas. Je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui s'en va vers là, de toute façon. C'est ça, sinon vous y êtes déjà. Oui. Parce que vous vous rappelez que nos codes d'écoute sont particulièrement forts dans les toilettes du Nérébro. Ben oui, tout à fait. C'est là qu'on sort le mieux. On est numéro un sur les toilettes. Exactement. Donc, une chronique de ta part en deuxième et une autre en troisième heure. C'est bon, ça? Génial. C'est parfait. Aussi, autour de ça, on va probablement faire d'autres chroniques, mais on garde ça pour plus tard. Hein? Des petites surprises, une fois de temps en temps, c'est le fun. Pour l'instant, on va faire nos jaloux, un peu. Ah ouais? Ouais, on est jaloux de tout le monde. Non, non. Voici Donzelle. Donzelle? Jalousie. Assemblage requis. Et l'avancement, mais Non. Les sœurs unite ce soir, c'est la vibe. Bitchy, me take me sister tonight. Ready et right, me sister tonight. Elle pinouble la jalousie. Elle pinouble la jalousie. La jalousie. Slap tes lèvres ensemble, le sucre, le donzel. Slap tes lèvres ensemble, le sucre, le donzel. Fucking donzel. Bitch, deux secondes, a pas fini. Chair, branding, tapis, surfing, cirque du soleil. Stage, drinking, salon, diving, sort les bouteilles. Craft, making, faux, bling, crotch, shots, camel, talking, top, scotch, vache, karaté, danse de lutteur. Chair, branding, tapis, surfing, cirque du soleil. Stage, drinking, salon, diving, sort les bouteilles. Craft, making, faux, bling, crotch, shots, camel, talking, top, scotch, vache, karaté, danse de lutteur. Jalousie avec deux donzelles, en fait. On n'est pas sûr. Lui aussi, c'est genre un Ben qui dit le nom du Ben aux trois secondes dans ouais, mais c'est bon. Mais hein, c'est particulier. Ça réveille bien. C'est ça. Hein? Disons ça comme On va l'avoir dans la tête. Là, ben oui, c'est sûr. À part d'avoir des choses dans la tête, il y a tout le temps des bonnes chansons dans les palmarès C'est fou qui nous restent dans la tête. Donc allons-y avec le petit bloc des palmarès C'est fou. Ah oui, c'est le moment de rendre visite à nos négligés palmarès C'est fou. Et aujourd'hui, on va retourner dans le passé avec notre bloc nostalgique C'était fou. Donc, des pièces qui proviennent d'une semaine spécifique dans l'histoire de C'est fou. Cette semaine, on est rendu à l'année 2008. La rétrospective des palmarès de 2008. Donc, on va entendre les numéros 1 francophones et anglophones tout de suite dans le bloc C'était fou. We'll be right back. cette fin. C'était long, hein, mon Dieu! Wow! Donc, c'était la rétrospective de l'année 2008 des Palmarès C'est fou. Donc, dans la chronique C'était fou, hein? On a entendu en numéro 1 francophone El Motard avec Vive l'automne sur l'album El Motard. Et ensuite, en anglais, c'était Elliot Brad avec Write It All Down sur l'album Mountain Meadows. Si tout va bien, dans quelques instants, on va avoir notre ami... Gabriel Béhoud. Oui. Pour Dans les coulisses de la lutte. Ben oui. Si tout fonctionne. Si tout fonctionne. Ce qui veut dire que pour l'instant, on va écouter une pièce que j'ai fait entendre dans Tu manges mon cœur il y a 2 semaines, je crois. Okay. C'est par le même qui fait notre intro de l'émission. Oui. Celle qui est plus électro un petit peu, c'est The Fractopus. Hein, le band? Oui. Voici la pièce The Path tout de suite à Assemblage Rue. The Fractopus avec The Path à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le bulletin Gertin. Bonjour Sébastien Gertin. Bonjour. Ça va bien? Oui. T'as l'air en forme. C'est vrai? J'ai bu du café, toi. J'ai juste l'air. C'est ça. Ouais. Nous, on est encore en manque de café. Je suis comme si tu l'as fait de mon café encore là, du premier. Là. Fait que je l'ai calé avant de m'en venir. Ah. C'est ça. Ça s'est fait plus vite. Ah oui? C'est ça. Quand on le cale. Non, Je pensais que c'était scientifique. Ben non. Moi, je te fais confiance, moi. Ah, je m'excuse. Tout comme je fais confiance à Sébastien à chaque semaine pour parler d'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Alors, on parlera peut-être pas de nouvelles genre l'OGE que son barbecue est brisé. Fait qu'ils ont annulé toutes les soirées barbecue pour finalement en acheter un autre le lendemain. Fait que finalement, tout le monde va pouvoir le faire. Oh. Ça s'appelle se revirer sur une scène. C'est ben oui, c'est ça. C'est comme Assemblage Requis. On se revire sur une scène. Ma chronique est faite. Merci d'avoir scrappé mon sujet. Plus de barbecue à l'OGE. Les vrais sujets, l'actualité mondiale. C'est ça. Le barbecue de l'OGE. Ouais. Je suis sûr que t'as plus pertinent que ça pour nous ce matin. Probablement. Ouais. Ben, oui puis non. Ah? Parce que... À matin, je voulais parler de politique provinciale. Fait okay. Libre à vous de décider si c'est plus pertinent que le barbecue de l'AGE. Parce que souvent, pour bien du monde, le barbecue de l'AGE est quand même plus pertinent que ce qui se passe à l'Assemblée nationale du Québec. C'est ça. Surtout à 3h du matin après une quarantaine de bières. Ça fait du bien. Oui. Un roteux, c'est tout le temps le fun. C'est ça. Puis les gens qui travaillent à l'AGE, souvent, c'est des futurs politiciens. Oui, hein? Des fois, hey boy. Ça arrive. Ah ouais? Qui disent, j'entends dire. Non? Ah, peut-être. L'AGE, UQTR? Ben, c'est connu que le monde à FECUM, à l'UQAM, à l'UDM, finissent tout au PQ, là, mais ça, c'est une autre affaire. Le l'UQAM finissent plus à QS d'habitude. Ah. Puis même là. Avec Gonade, le petit Gabriel Nadeau-Dubois, t'es allé le voir ici à l'UQAM? Non, même pas, non. J'étais en train de préparer ma propre émission, en fait, pendant sa. Donc, je suis juste passé devant la chasse en allant chercher mon quatrième café de la journée. Ouais. Pas avant devant la chasse. J'arrivais de la chasse, je passais devant le dido de ce qui était. Puis j'ai entendu dire, avec des fonds publics. Mais en fait, oui, c'était un peu pour parler de lui, mais en fait, non, je parlais pas de lui pantoute. T'as pas l'air sûr. Pourquoi je vais parler. En fait, c'est que je voulais parler un peu de l'état de la politique provinciale actuelle. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se passer des trucs intéressants. Avec les sondages, avec les sondages. Mais pas rien que les mots t'as dit sondage, c'est quand même un genre de tendance lourde qu'on voit présentement. C'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis facilement les années 80, on vit un genre de bipartisme au Québec, c'est-à-dire qu'il y a deux gros partis. Ouais, il y a le Parti libéral du Québec, en rouge, et le Parti québécois, en bleu. Bleu. Traditionnellement, bon, les deux furent des partis progressistes à leur début. Le Parti libéral fut un temps le Parti des jeunes, et oui, dans le temps que mon grand-père était jeune. Mais il y a encore une aile jeunesse, non? Il n'y a pas le jeune parti. Mais chaque parti politique a quand même son aile jeunesse. Ça a déjà été le parti de gauche. C'est ça que je veux dire. Parce qu'avant, il y avait l'Union nationale, qui était plus un genre de parti conservateur, qui était le parti de Maurice Duplessis, entre autres, qui donnait un peu le genre d'affaires. Mm-hmm. Maurice Duplessis, pour ceux qui n'écoutaient pas en histoire de secondaire 4, c'était celui qui était premier ministre du Québec pendant la période qu'on appelait la Grande Noirceur. C'est ça. Donc, très chrétien, et ainsi de suite. Là. C'était vraiment un genre de Stephen Harper moins drôle encore. Dur à battre. D'ailleurs, c'était le député de Trois-Rivières. Ah oui. C'est pas juste un pont, hein, c'est ça? C'est ça, le non, pont, c'est ça. En son nom. C'est à lui. En son nom. Ah. Ça, il a quand même été premier ministre du Québec pendant maintenant pas une quinzaine d'années. En fait. Ouais, ça a été un long règne. C'était un règne. La Grande Noirceur. Un peu comme Jean Charest, en fait, la première partie des années 2000. Jean Charest a été de 2001 à 2013. De 2001 à 2013, le chef du Parti libéral, et pour, à part une pause de 18 mois là-dedans, a été le premier ministre, en fait. Mais il n'y a pas eu de pont, lui, pour l'instant. Il n'y a pas eu de pont, pour l'instant. Il est encore vivant. En fait, il est relativement jeune encore, Jean Charest. Mais c'est ça. Bon, pendant longtemps, puis jusqu'à cette période-là, c'était entre le PQ puis le PQ puis le PLQ. Là, ce qui est en train de se passer, qui est assez intéressant, c'est que depuis 2011, qui a été un gros brassage de cartes déjà, c'est dans ce temps-là que Québec solidaire a commencé à être un petit peu moins marginal, tranquillement, pas vite. Ils ont pu profiter de l'élan là, de la crise étudiante pour... D'ailleurs, soit dit en passant, je l'avais pas encore dit cette année à la radio. S'il vous plaît, crise étudiante, oubliez l'expression printemps érable. C'est un journaliste français qui avait trouvé ça pour rire de nous autres. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Pour rire de nous autres, parce qu'il était comme on, les Québécois, ça s'est pas manifesté. Ah. Il y a un petit accent africain là-dedans. Ils s'énervent parce qu'ils ont la police. C'est-tu supposé être un accent français? Ah, je sais pas, là. Regarde, j'ai juste un café de prix puis trop thé social, là. Demandez-moi ça pas trop. Biscuits? Ouais. Les petits biscuits, quand même. Ouais, ça sent que j'avais qui traînait proche. Ok, est-ce que tu trônes dans ton. Non, je les ai juste bouffés. Okay, ouais. Comme un français. Des biscuits au carton, là. Ouais, c'est ça. Des fois, tu trônes dans le temps qu'ils sont dans la garde-manger. Non, mais ça, pour vrai, moi puis ma conjointe, on est dépendants à ces patentes-là. On est tout le temps en train de manger. C'est bon, des socialités. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on boit du thé aussi, qu'on est rendu à trop de café dans la journée, puis que là. Ouais, c'est ça. Fait que tranche de vie. Je m'excuse. Je parle vite parce que c'est ça, le café fait effet. C'est tout ce que j'ai dans le corps depuis 12 heures. Fait que, donc, oui, c'est ce qui est débloqué en disant 93, 91 tantôt? Oui! Il est parti, là. ouais, c'est ça. Donc, c'est parce que j'essaie de faire vite parce que, le problème d'horaire, puis de, c'est toujours pas de réponse. C'est cette émission-là, là. C'est ça. L'horaire. C'est une émission du matin, On fera pas les sports à 17 puis la météo à 33, nous autres. On fait ça à la bonne franquette. C'est ça. Soyons franquins. Franco Nuovo. Ouais, Franco Nuovo, bon choix. Il y a une belle voix radiophonique, contrairement à. Moi, je trouve que j'ai une voix dégueulasse. Non, t'as une belle voix. Ouais, merci. Si on parle de politique, mettons, ça ressemble à quoi, Boy? Merci, Tania. Une chance que t'es là. Ça tous les jours. Une chance que t'es là. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait si t'étais pas là. Ouais, je sais pas. Hein? Probablement. Vous auriez probablement dérapé encore bien longtemps. On ferait dur. C'est ça qu'on ferait. Politique provinciale, ce qui est intéressant, bon, comme je disais, bipartiste depuis de longues années, 30-40 ans, en fait. Puis là, ce qu'on constate, c'est que, d'un, le PQ passe son temps à se marginaliser depuis 5-6 ans. La dernière âge d'or du PQ, le dernier moment que le PQ, tant qu'à moi, était un parti avec, je sais pas comment dire... De la plomb. Tu sais, puis là, ça, faut le regarder de reculons, parce que, tu sais, c'est un peu comme, quand est-ce que tu deviens un adolescent? Tu sais, on ne sait jamais. Ouais, c'est comme tu le sais que t'es rendu. C'est pas du jour au lendemain, ça fait grâce à ça. Quand est-ce que le vrai déclin du PQ a commencé? Moi, j'ai l'impression que le dernier vrai chef que le PQ a eu, c'était Pauline Marois, chef que j'ai détesté d'ailleurs. C'est quand même récent, ça. Mm-hmm. Mais quand même récent. Mais pas tant non plus en même temps. C'était quand même 2014. Ouais, fait une couple d'années. Ouais, c'était avant notre... Il y en a eu deux depuis, là. Tu sais, là, il y a eu Pelado, puis il y a eu, on est avec Lisa depuis un bout. Pelado, je pense que c'était le début de la fin parce qu'il y a simplement il manquait d'expérience en politique. C'était un genre de sauveur. Il aurait pas dû être chef tout de suite. Il aurait dû être le lieutenant d'un chef avec un peu plus d'expérience. Mm-hmm. C'était pas son genre de jouer les seconds violons. Les gens ont été, je pense que les militants du PQ ont vu là une espèce de messie, ce qu'ils sont tout le temps un peu portés à chercher. C'était une espèce de, on pourrait dire un genre de fait sociologique, entre guillemets, un fétiche. Des purs et durs du PQ, là, c'est de tout le temps trouver qui va nous sauver, qui va ramener la cause avec un grand C au centre de l'intérêt public, et ainsi de suite. Pelado avait l'air de ça. Bon, ça faisait rêver, le millionnaire, magna des médias, tout le kit. Il est très convaincu pour la souveraineté, ainsi de suite. Bon. Mais ça veut dire, c'est une question de maturité. Pelado deviendra Péladulte un jour. Imagine mon plan. Merci. C'est ça. Puis là, je veux dire, ça veut pas être une énième chronique sur le dos du PQ, mais moi, je pense que depuis depuis que particulièrement le déclin est plus marqué depuis que c'est Jean-François Lisée qui est au pouvoir, moi, j'arrête pas de. Je n'en finis pas de le détester. On dirait qu'il me donne une nouvelle raison de l'haïr à tous les semaines. As-tu un top 3 de tes raisons pour l'haïr le plus? Je dirais que dernièrement, la joke, sa moustache de. Ouais, c'était pas fort. De Manon Massé. Mais c'est parce que c'était pas fort. Puis, tu vois, je trouve que c'est un magnifique exemple de pourquoi est-ce que Lisée, c'est pas un bon chef. Mm-hmm. C'est même pas un bon élu, en fait. C'est que. Il se donne un air parce que, bon, il parle bien, il y a quand même de la culture à la base, mais ça reste un gros colon. C'est ça l'affaire. Okay. Tu sais, c'est l'espèce de nuance entre quelqu'un qui a de la culture, mais quelqu'un qui. Je sais pas comment dire. C'est s'en servir. Qui a la classe qui vient avec. Ouais, mettons, c'est ça. Il l'a pas cette classe-là. C'est, je veux dire, point de vue intellectuel, je veux dire, Lisée a lu beaucoup plus de livres dans sa vie que moi. Ça, je suis capable de le reconnaître. Je suis capable de reconnaître qu'il connaît beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances. L'affaire, pis c'est que le monde, pis là vous allez voir ça des fois, si vous faites attention un peu Les gens qui parlent de l'ISEE pour leur montée vont dire ça comme un avantage, mais moi je trouve que c'est pas un avantage, c'est un inconvénient. C'est que ce qu'ils disent, c'est que l'ISEE, il y a 10 idées par jour, mais il y en a pas beaucoup qui sont bonnes là-dedans. Waouh, quel bon point positif pour eux. Ben, ils disent pas de même, mais ils disent il y en a plusieurs bonnes par jour, mais tu sais, il faut que son entourage trouve lesquelles qui sont bonnes là-dedans. Faut que tu lances beaucoup de spaghettis sur le mur pour réussir à coller quelque chose. Mais c'est parce que ça, ce que ça implique, c'est qu'il est pas capable lui-même de se rendre compte quand quelque chose est niaiseux. Mm-hmm. Tu sais, que ça a l'air d'une bonne idée vite de même, mais que lui dise. Si tu t'assois deux secondes, ça n'est peut-être pas une bonne. Mm-hmm. Tu sais, ça peut peut-être être une bonne idée d'aller te prendre du McDo à 3h du matin ou un retour à côté de la chasse. Le lendemain matin, tu vas peut-être le regretter, par contre. Ça... En tout cas, bref. Je veux dire, c'est peut-être une bonne idée de mettre de la sauce forte sur ta poutine le lendemain matin. Par contre, ceux qui sont dans la deuxième moitié de la vingtaine vont comprendre ça, ce que je veux dire. C'est moins le fun, ça abole. C'est gratuit. C'est ça. Donc, il y a un dimanche, les ailes de poulet, il y en a une couple que le lundi matin, ils ont dû avoir un bowel movement moins le fun. J'ai des souvenirs récents de ça. De deuxième moitié de la vingtaine slash début de trentaine, là, on va faire semblant fin de la vingtaine. Ça marche encore, apparemment que c'est ça, ça marche pour moi encore. Fait que Mathieu a 26 ans. C'est ça. C'est en plein ça. Et demi au P. Mesdames, prenez note. C'est pas ce que ça dit sur mes différents profils de dating. De dating. Donc, c'est ça, toi, tu mets ton ange de sugar daddy. J'ai pas le choix. Hein? C'est relié à ton compte Facebook. C'est ça, mauditement. Tu peux mentir sur ton compte Facebook. Je me fasse un nouveau Facebook. Ah, bonne idée. Ben, tu sais, moi, la personne que je connais qui a eu le plus de succès sur son Tinder, c'était un Tinder de jokes qui était Friedrich Nietzsche. Avec une photo de Friedrich Nietzsche, mais c'est parce que sa coupe de cheveux des années 1800 revenait à la mode. C'est une moustache qui était un peu spéciale, là, mais. Comment c'est pas Colin, moustache. Ça pognait. C'était effrayant. Ouais. À tous les jours, genre, il y avait des matchs, c'était effrayant. Des super likes. Puis, tu sais, je veux dire, comparé à son vrai Tinder, puis c'est parce qu'il est pas lettre à la base, ce gars-là. Là. En tout cas, bref, je vais le laisser anonyme parce qu'il y a une copine à Star. Il a rencontré avec la job de Nietzsche, je pense qu'elle. Non, le pire, c'est ça, il s'est pas rencontré ce Tinder pendant tout. Ouais. Mais, c'est ça. Salut. <Non. rire> pour les trois personnes qui savent de qui je parle. Bref, on parlait de politique, les boys. Ben c'est oui, ça. Merci. Donc, on parlait du PQ, Lisée, avec ses idées pas bonnes. c'est ça. Il y a eu une de ces idées-là à ce moment-là. C'était à la soirée T'es encore jeune à Radio-Canada. Elle est sortie, puis. C'est ça. C'est dur de la rattraper. Il tourne pas vraiment sa langue cette fois dans sa gueule. Il a dit c'est une mission d'humour, fait que j'ai le droit de faire des blagues sur la moustache de Manon. Oui, mais, tu sais, les gars de la soirée sont très chirurgicaux dans leurs jokes. C'est écrit, là, au corps de tout. C'est ça. Puis c'est que leur seule joke vraiment méchante, vous remarquerez, c'est soit envers du monde qui sont encore plus bêtes envers eux autres, ou entre eux autres. Mm-hmm. Ouais. Lisez l'autodérision, il y a pas ça fort là, dans la vie, là. Tu sais, faut que tu sois prêt à en recevoir si tu vas en donner dans ces affaires-là. Pis c'est qu'une des choses qui est problématique avec ça, puis qui a été moins soulevée, mais chapeau à la Narco Panda pour avoir fait remarquer ça. Pis sur Facebook. Sur Facebook, il a parfaitement raison. C'est que c'est pas rien qui est insultant pour Manon Massé. Parce qu'on n'est pas à la première joke de moustache de Manon Massé. Ouais, mais ce qui était vraiment dégueulasse dans cette farce-là, c'est que c'était aussi insultant pour Véronique Yvon, en fait. Ah, OK. Parce que il dit « Ah, Véronique Yvon, elle, a pas de moustache. » C'était ça, la joke. C'était pas « Manon Massé, une moustache, elle fait dur. » C'était « Véronique Yvon est mieux que Manon Massé parce qu'elle est féminine, elle. » C'était ça, la joke. Ah, ouais. Puis c'est là que le gluant sort vraiment. Ouais. Parce que, je veux dire, Manon Massé, elle s'en cache pas. Puis Manon Massé, elle en a de l'autodérision. Puis elle dit, moi, ma moustache, ben effectivement, je l'assume. Ben c'est ça. Faites-en des jokes, je m'en calisse. On disait que c'était comme un point d'honneur pour dire, genre, c'est comme pour passer un message, si c'est on ça. Veut. C'est ça. C'est, tu sais... De la garder, je pense. C'est ça, c'est qu'elle est comme, ben, moi, je m'en fous. Moi, c'est les critères de beauté-là, garder, je m'en fous. Puis, c'est ça. Elle s'assume là-dessus. Je pense pas que ça dédouane n'importe qui de faire des blagues là-dessus, mais bon, c'est une chose faire des jokes juste sa moustache de Manon Massé. Mais c'est parce qu'en plus, ce que ça fait, c'est que ça disait qu'en même temps, c'était un peu l'attitude de mon oncle de « Ah, regardez, on a une belle femme avec nous. » Fait que, tu sais, premièrement, on est féministe parce qu'on a une femme avec nous. Fait que, tu sais, ça nous dédouane de bien des affaires. Puis après ça, ben, ah, tu sais, elle paraît bien, tu sais, fait qu'elle est bien mieux que l'autre, tu sais. C'est comme... Je m'excuse, c'est insultant pour Véronique Yvon parce que c'est une des bonnes politiciennes qu'on a au Québec présentement. Pis c'est pas à cause de son apparence physique. Oui, elle paraît bien. Pis c'est pas à cause de son. Mais c'est pas à cause de ça, hein? qu'elle est bonne à sa job, ouais, où qu'elle est. D'ailleurs, je suis le premier à dire qu'elle mériterait 100 fois plus d'être chef du PQ que l'Élysée. Puis je pense que pis ça, c'est bien gros mon opinion, mais je pense que honnêtement, si elle avait été si elle avait été chef du PQ à la place de l'Élysée, le PQ serait moins dans le trouble présentement. Okay. Serait pas mal moins bas d'un sondage. Est-ce que ça pourrait arriver un jour? Est-ce qu'il pourrait parce que l'Élysée va garder ce morceau-là. Ça, c'est dur à dire parce que les militants l'aiment bien, l'Élysée. Ouais. S'il y a une affaire où ce qui est populaire, c'est dans la famille. OK. Bon. On parle pas de la fin du chapitre de l'Élysée bientôt. C'est sûr. Okay. Ça va dépendre beaucoup des élections. C'est sûr que s'il se plante aux prochaines élections, il y a sûrement du monde qui va demander sa tête parce que c'est pas tout le monde qui l'aime non plus. Non, c'est ça. En dedans de la gang. Mais c'est sûr que, bon, moi, de ce que j'en vois, il est quand même encore populaire avec les militants. Puis là, j'ai parlé beaucoup plus du PQ que ce que j'avais l'intention de parler au début, parce qu'en fait, au début, ma chronique, ça voulait être plus sur la CAQ. Ben, je m'en allais là, là. C'est ça. C'est un merci, Tania, de me ramener dans le droit. Ça fait plaisir. Ce coup-là, je l'ai fait seul. Bon, ce qui est intéressant, en fait, ce qui vient jouer les troubles fêtes, c'est la CAQ, en fait, présentement. C'est qu'on disait, bon, le bipartisme PQ-PLQ depuis 30 ans, 40 ans. Maintenant, ben, la CAQ est rendue un gros joueur. En fait, présentement, actuellement, à l'Assemblée nationale, la CAQ est la deuxième opposition. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un gouvernement majoritaire libéral. La première opposition, c'est le PQ qui a encore la deuxième, le deuxième plus gros nombre d'élus. Et pas très loin derrière, mais quand même un peu derrière, il y a la CAQ avec une vingtaine d'élus. Qui sont la deuxième opposition. Donc, le PQ et la CAQ souvent travaillent ensemble. D'un, la CAQ a fait un virage identitaire un peu v'là une couple d'années. Donc, ils ont des politiques communes avec le PQ. Mm-hmm. À base, le PQ est moins un parti de gauche qu'il a déjà été. Beaucoup moins. En fait, le PQ... En fait, présentement, c'est ça. C'est que les trois gros partis sont des partis de on pourrait appeler ça un peu de centre clientéliste, mettons. OK. Pis ça, là-dedans, ben, c'est la CAQ, la grande gagnante, parce qu'ils sont déclarés comme un... Ils disent quasiment qu'ils sont un parti de clientélisme à la base. Qu'est-ce que le clientélisme en politique? C'est qu'à la base, mettons, dans un monde parfait, un parti politique devrait incarner une vision globale de ce vers quoi on veut que la société aille. Mm-hmm. Excusez pour la grammaire n'est pas là, matin. Ben oui. Donc... Qu'est-ce qu'est cette vision? Ben, le Parti libéral s'appelle le Parti libéral. Donc, à base, les racines du Parti libéral, c'était d'instaurer le libéralisme politique par opposition au conservatisme, donc c'est-à-dire un certain progressisme social, qui, dans le temps, a donné, en fait, comme je disais, le PLQ fut un parti très, très à gauche pendant un bout. Tu sais, c'est eux autres, on oublie parfois, mais c'est eux autres qui ont fondé l'éducation publique, un paquet de choses comme ça. On le doit. La Révolution tranquille, en fait, qui est un peu le fondement du Québec moderne, c'est le PLQ qui a fait ça à l'origine. Comment est-ce que ça a changé par le chef? Ben, éventuellement, tranquillement, pas vite. D'une affaire, ce qui a fait je parlais de Jean Charest tantôt. Jean Charest, à base, c'est pas un libéral, c'est un conservateur. Mm-hmm. Avant d'être chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest avait été chef. Il a été chef? Je m'en rappelle plus. Élu, en tout cas. Pas longtemps, mais il a été ministre longtemps du Parti conservateur du Canada. Mm-hmm. Pendant très longtemps. Sous Mulroney, entre autres. C'est drôle parce qu'en fait, il avait été... son premier poste de ministre, c'était ministre de la Jeunesse au fédéral. Puis c'était drôle parce que c'était un jeune ministre dans le temps. Il était à la mi-trentaine quand il a eu ce poste-là. C'était drôle, on ressortait ça en 2012. C'est finalement un ministre de la Jeunesse qui est un jeune. C'est comme, il a changé. Ouais. Mais c'est ça. Donc, puis je dis ça, tu sais, ça a l'air drôle, mais oui, dans quelque part, même si je me suis fait tabasser étant donné ses ordres, j'ai des fois un peu plus de respect pour Jean Charest que Lisée, juste parce que je trouve que c'est un meilleur politicien. Mmh. Là, c'est mon opinion personnelle, là, mais je le trouvais au moins plus cohérent avec ce qu'il disait, peut-être pas avec le nom de son parti, mais bon, il y avait comme une certaine vision cohérente. C'était vraiment un... Puis... Côté tactique, je trouve que c'était un excellent politicien. Malheureusement, moi, je trouve qu'il utilisait ses pouvoirs pour le côté obscur, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, ouais. Bref, c'est ça. Là, c'est du café. Hein, c'est pas la CAQ, ouais. La CAQ. Bon, comme je disais, tu sais, un parti politique, on voudrait que ça soit un parti qui amène une vision cohérente. C'est-à-dire, mm-hmm. comme je disais, le fameux libéralisme, là, les droits humains, le aider chaque personne à faire sa vie comme elle l'entend. Jusqu'à un certain point, en fait, à sa fondation, le Parti québécois était aussi un genre de parti libéral, dans le sens que c'était la même tradition politique qui en sortait, c'est-à-dire un peu le contraire du conservatisme, que c'est des normes sociales assez strictes, et ainsi de suite, tandis que le libéralisme, ben c'est... Tout le monde fait sa vie comme il l'entend, puis tu sais, l'expression qu'on entend, que nos mères nous disaient quand on était hen, là, tu sais, ta liberté finit où celle de l'autre commence. Ouais. En fait, c'est libéralisme. C'est une manière commune d'expliquer le libéralisme politique, en fait. C'est de dire, t'as ta petite zone de liberté, t'as tes droits et libertés que tu reçois en tant qu'être humain. Tu fais ta vie à travers de ça en respectant celle des autres. Mmh. C'est ça, le libéralisme. Donc, c'est un peu d'instaurer ça, parce que c'était pas ça qu'on avait avant la Révolution tranquille au Québec, loin de là. Jusqu'à un certain point, toutes les partis en Occident, y compris les partis conservateurs, ont un petit fond de libéralisme quand même, parce qu'ils reconnaissent les droits humains et ainsi de suite. Mais bon, on tombe dans les nuances. Là, je parle les grandes théories, mettons, derrière ça. Mais ça reste que c'est ça. Le PQ, ben, leur grand projet pendant longtemps, c'était la souveraineté du Québec, de créer un Québec souverain, dans le fond, qui se dilue tranquillement pas vite, ce qui est d'après moi d'ailleurs une autre raison qu'ils se sont mis à être gênés de leur agenda politique par rapport à ça, ce qui a fait que le PLQ a eu le beau jeu de faire peur à tout le monde avec ça. Je disais en blague aux dernières élections, celle de 2014, ceux qui ont le plus parlé de souveraineté, c'était le PLQ en fait. Parce que le PQ prenait pas la place là-dessus, prenait pas ne sortait pas leurs arguments, faisait juste essayer de rassurer les gens, mais on le fera pas tout de suite. On le fera pas tout de suite. Là. Mm-hmm. C'est pas si pire, là, on le fera pas tout de suite. Puis pendant ce temps-là, ben, le PLQ faisait regarder le PQ, même eux autres ne croient pas trop à leur affaire. Puis ils jouent avec votre avenir avec ça, puis pour une obsession. Puis c'était pas dur. Là. Puis comme je dis, le PLQ, c'est ceux qui n'ont le plus parlé finalement, pour faire peur aux gens. Mais normal. Fait que c'est ça. De plus en plus, c'est une tendance lourde d'un parti, c'est de faire du clientélisme. C'est-à-dire que le clientélisme, c'est qu'au lieu de se baser sur, de dire, ben, on offre une vision cohérente de la société. Quand je dis vision cohérente, c'est qu'on a un grand projet central, puis notre manière de concevoir tous les dossiers, puis toutes les questions reliées, toutes les compétences qu'on a comme parti, qu'on aurait comme gouvernement provincial, puis ainsi de suite, ben, de les mettre au service de cet idéal de société-là. Mm-hmm. C'est un peu le mot que je cherche depuis tantôt, un idéal de société. Le clientélisme, c'est de dire, au lieu d'avoir un idéal de société, c'est-à-dire comme dans brochure, on a comme un gros titre, puis tout découle de ce titre-là, c'est de dire, ah, on a plein de petites sections pour faire plaisir à tel genre de personnes puis tel genre de personnes. Tu sais, au lieu d'avoir une belle table d'hôtes cohérente puis bien installée, on va juste, prenez tout ce que vous voulez à la carte. Ben, faites votre choix. Tous les petits biscuits sont sur le tea que vous voulez. C'est ça. Toutes les aller chercher un peu partout. Une autre affaire, un autre parallèle, c'est un peu comme dire, ben avant, les gens écoutaient des albums, on mettait le vinyle, on écoutait d'un bout à l'autre. À Star, c'est des singles, puis c'est ci, puis c'est ça, on écoute juste quelques tunes, hein, on se fait nos playlists custom avec juste les tunes qu'on aime. On va chercher des playlists Spotify de plusieurs artistes différents qui... On n'écoute plus des albums tant que ça. C'est un peu la même affaire qui se fait. C'est ça, du clientélisme. C'est bon, c'est très bien expliqué, ça. Toutes les parties font un peu ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des positions en tenant compte, pas nécessairement, ça a-tu vraiment rapport avec comme la philosophie fondamentale de notre parti? Ou plutôt, OK, les autres partis proposent telle affaire sur ce sujet-là, OK, quel groupe de lectorat est délaissé parce qu'il est déjà proposé? OK, on va aller chercher eux autres. Fait que là, on va leur faire plaisir à eux autres. Ils font tout un peu ça. La CAQ, c'est le premier parti qui, en commençant, ils l'ont carrément dit, nous, c'est ça qu'on va faire. Mm-hmm. On va être le parti des sondages. Jusqu'à un certain point, c'est fatigant comme approche parce qu'effectivement, t'as pas nécessairement à base là, dans les premiers temps de la CAQ. On les surnommait les CAQ-linours. D'un, parce que leur logo était vraiment laid dans le temps, puis il était tout plein de couleurs. Dans le temps, c'était en 2012. Ouais, mais encore aujourd'hui. Le nouveau, je trouve qu'il fait plus professionnel au moins. Okay, il est laid, mais au moins il fait professionnel. Remarquez, les logos des partis sont jamais très fantastiques. Québec solidaire avec leur nouveau logo Tide Pods un peu. qui fait plus moderne que celui qu'ils ont remplacé. On s'entend. Ouais, un peu. Mais, tu sais, ils l'ont modernisé. Je comprends, c'est drôle avec les Tide Pods justement, puis je me demande si c'est pas voulu un peu en fait. Là. Pour faire parler d'eux autres. Ouais, c'est ça. Puis moi d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la page Québec Solidaire, qui est une page de mimes basée sur. Ils font juste faire des mimes à propos de Québec Solidaire puis de la gauche québécoise. Ils ont pris le logo de Québec solidaire, mais ils ont remplacé l'espèce de Tide Pod par des Pogo. Oui, pour Manon. Pour Manon. Pour Manon. Pogo, pas le Pogo le plus décongelé de la boîte. C'est là. Ça. Mm-hmm. Bon, je disais le nouveau logo de la CAQ, ainsi de suite. Bon, la CAQ ont fait un virage dans les dernières années. Tranquillement, pas vite, se sont mis à avoir plus des lignes directrices qu'avant. Mais ça reste qu'ils sont avant tout un parti de sondage, on le dit toujours. Puis, ça a quand même un certain intérêt de... quand ils s'en cachent pas. C'est-à-dire ouais. que eux autres... Puis, c'est intéressant, en fait, parce que... là, je dis ça, la plupart de mes collègues et amis de gauche... qui ont la CAQ en horreur, c'est un point de critique, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de vision cohérente, puis ils se drapent dans le fait qu'ils n'ont pas de vision cohérente tant que ça. Moi, je dis, en fait, c'est quelque chose d'intéressant. Ça a du bon puis du mauvais. C'est sûr que ça va complètement contre la comment on conçoit la politique traditionnellement, c'est-à-dire qu'ils ont une idéologie fluide, ce qui fait qu'on peut pas leur faire tant confiance. Ça fait gérer un peu, si le sondage change, ils vont changer leur fusil d'épaule. C'est ça exactement. Puis tu sais, entre le moment où quand on retire notre... en tant qu'électeur, on retire ou on donne notre confiance à un parti une fois aux 4 ans. Ce qui fait qu'ils ont le temps de se revirer de bord en 4 ans. C'est pour ça que ça fait peur à du monde. Ils ont le temps de se revirer de bord en même temps. Parce que l'idée, c'est que t'es lié à un parti, mais t'es... Tu sais, puis souvent, on élit les personnes... Mais en fait, ce qu'on élit réellement, c'est un parti plus une vision. C'est-à-dire les personnes qui défendent cette vision-là et la vision elle-même. Or, la CAQ se drape dans le fait qu'elle n'en a pas tant que ça, une vision. Ça a changé quand même un peu. C'est-à-dire comme François Legault, chef du parti, a écrit un livre lui-même un peu sur ce qu'il voit le Québec s'en aller, ce qui est intéressant. J'ai pas pris la peine de lire, honte à moi, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une chose qui se fait beaucoup dans d'autres pays. Mais au Québec, on n'est pas fort là-dessus. Mais c'est intéressant. Puis, je veux dire, je connais les grandes lignes un peu. Il veut miser sur l'innovation. Puis c'est pas comme... Puis l'innovation puis l'éducation, chose importante. Puis on sent que c'est peut-être un petit peu plus vrai. Ouais. Dans le sens que à toutes les élections, le PQ puis le PLQ nous disent « Ah oui, l'éducation, c'est important, puis ainsi de suite. » Mais on sait bien que quand ils sont rendus au pouvoir, les bottines ne suivent pas les babines. Puis dans les premières années du règne, systématiquement, peu importe le parti, il y a des coupures dans l'éducation. Ouais. Même affaire en santé. La CAQ est plus axée sur la privatisation. Moi, c'est là où ce que je décroche. C'est pour ça que je voterai probablement jamais pour eux autres. Parce qu'il y a des affaires, selon moi, qu'il ne faut pas qu'ils soient privatisés. L'éducation, la santé. Ouais. Au moins, tu laisses une porte ouverte à « je voterai probablement jamais pour eux autres ». Ben, on ne sait jamais. Je veux dire, comme je dis, il fut un temps, si j'étais né 40 ans avant, j'aurais probablement voté pour le PLQ pendant un bon bout. Tu sais, des années 70, mettons 60, c'était vraiment le parti progressiste. Là. Mais là, ils sont en avance, là, la CAQ, si on regarde ça comme ça. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on en parle. C'est que dans les sondages, présentement, ils sont premiers. Je dis tout le temps, les sondages au Québec, les vrais, on n'en a pas. C'est pas des vrais sondages, c'est des sondages non probabilistes. Ça veut dire rien pantoute. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que, ben, on a la tendance lourde des gens qui ont été sondés, puis c'est tout. On peut pas l'extrapoler parce que la méthodologie n'est pas bonne. Ah, et les gens qui ont répondu par téléphone filaire et des trucs comme ça, des facteurs comme ça, là, c'est pas toute la population. C'est sondage volontaire, c'est des gens qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur la liste. Ouais. Ça veut rien dire, ces sondages-là, malheureusement. Ça peut peut-être donner une idée. Mettons, si on fait le suivi de ces sondages-là, ça peut quand même donner une idée de comment est-ce que ça varie. Ça veut dire que quand même, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que la CAQ a effectivement le vent dans les voiles, mais il y a le vent dans les voiles dans une certaine catégorie de personnes. Fait que ça veut dire de quoi, mais c'est très limité ce qu'on peut en dire, vraiment. Mais c'est intéressant quand même dans ce cas-là. Mais comme je dis, fiez-vous pas là-dessus. Si vous basez sur les sondages pour voter, c'est plate, mais vous faites un peu avoir, en fait. Oui, c'est ça. Parce que les sondages ne représentent pas la réalité avant qu'on vote, en fait. Allez lire les visions de chaque parti. Le seul vrai sondage qu'on a, c'est aux élections. Fait que votez pour le parti qui vous intéresse et non celui qui risque de gagner pour que votre vote valle de quoi. Ça, c'est la grosse erreur que tout le monde fait. Si tout le monde votait pour ce qu'il pense vraiment et non pour ce qu'ils veulent que leur vote valle de quoi, ben tu sais, si vous pensez qu'ils vont être élus de toute façon, ça donne rien de voter pour eux autres, ils vont être élus, anyway. Voyez dans la même place. Ouais, je comprends. Mais bref, c'est quasiment mieux ça que d'annuler ton vote et d'être fier. Oui, clairement. J'ai annulé mon vote. Ben, tout dépendant comment tu le défends, je peux respecter ça. Parce que premièrement, il y a une différence entre annuler son vote qui équivaut un peu, ben tu sais, comme aux élections de l'OGE, on a l'option de voter pour la chaire, c'est-à-dire de dire il y a personne qui se présente que je considère qui vaut la peine. Ouais. Mais tu sais, annuler c'est pour un poste, vote, pas pour toutes les postes. Ben il y en a qui le font pour toutes les postes. C'est ça que je comprends pas tant qu'elle se vote pas, non? Ben non, parce que c'est pas pareil, c'est pas comptabilisé de la même façon. C'est sûr, mais c'est ça vaut la même chose. L'affaire, c'est qu'au Québec, mettons aux élections provinciales, puis ça d'ailleurs, c'est demandé d'être ajouté, comme par exemple dans les élections en France, pis un autre de mes sujets que je tape dessus des fois, c'est la France, mais une chose que j'aime bien qu'ils font, je sais plus exactement à quel niveau électoral qu'ils font ça, je me demande si c'est pas à toutes, mais tu peux voter pour la chaise, puis si la chaise gagne, ben il y a personne d'élu, puis ils refont d'autres élections. Ouais. Donc, se présenter aux autres élections, pas le droit de se représenter, puis des choses comme ça. Nous autres, on fait pas ça au Québec. Quand tu annules ton vote, parce qu'annuler, c'est un geste actif. Ouais. Tu vas là-bas et tu votes pour quelque chose. Pour personne. Ah, pour personne. Tu votes pour personne. Et non pas genre pour un candidat qui a aucune chance de gagner. Tu votes pour personne. Annuler ton vote, c'est tu votes pour personne. Ouais, c'est ça. T'as un bulletin de vote à ton nom, mais il y a rien dessus. Okay. Tu le remplis pas. Okay. Tu le remplis pas ou tu remplis toutes les cases. Ouais, c'est ça. Tu t'arranges pour pas qu'il compte. C'est pas comme ne pas voter. Okay. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Ne pas voter, en fait, ton vote vaut gagnant. C'est ça que le monde ne savent pas tout le temps. Ton vote vaut gagnant. Oui. C'est-à-dire que les votes. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas lu là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce que je sais pour sûr, c'est que le financement des partis politiques, il y en a une bonne partie qui va au nombre de votes qu'ils ont reçus. Ouais. C'est tant de scènes du vote. Ouais. C'est le même, ça marche. Dans une circonscription, une fois qu'on a voté, ils ont fait ce calcul-là pour tout le monde. Mettons, l'enveloppe, c'est, mettons, tant. Il y en a, mettons que le libéral a eu 25% des votes, ben il y a 25% de l'enveloppe. Le péquiste a eu, mettons, 24% des votes, ben il y a 24% de l'enveloppe, ainsi de suite. Une fois que ça s'est fait, dans le fond, pour faire ce calcul-là, en fait, on prend ceux qui n'ont pas voté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annulé leur bulletin, puis leur vote, et dans le fond, ce bassin-là, mettons qu'il y a 30% de ce monde-là, ben on les a resplittés à proportion dans le reste des autres. OK, ouais. Ce qui fait que tu votes pour ceux qui ont déjà été élus. Ah! Ça, je pense qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se déplacer et annuler pareil. Mais oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est si important d'aller voter. Il faut se déplacer. C'est pas rien qu'une journée de congé. J'espère que les gens ont écouté cette chronique-là. Ben oui. Ouais. Hein? L'émission de service. C'est ça, l'émission de service. Oui, oui. Avec les grille-pains et les toasts qui sortent, puis le verre de jus d'orange qui se verse. Ben oui, mais tu sais, tous vos décomptes puis tout ça, là, les chroniques que vous faites. Ben Tennis qui entertainer, ça rend service au monde. Émission de service. Et c'est diverti. Ah. C'est ça. C'est une bonne émission de matin. Il y a du contenu de service. Merci. Correct. Ben oui. C'est normal. Merci. Je veux dire, c'est pas RDI. Là. C'est normal. C'est correct. On n'en parlera pas. Il faut parler d'affaires plus terre à terre que ce que moi et Jimmy Thibodeau on discute à tous les semaines. Hein, ah ouais, mais nerf de la guerre, c'est quoi ça? L'argent. L'argent. Donc, c'est ça. Comme je disais, il se passe des choses intéressantes. La CAQ qui est en phase de peut-être. Parce que là, les élections, mine de rien, ça s'en vient. Là. Ben c'est au bord de l'été. Oui. L'autre bord du pont. À l'automne. L'autre bord du pont du Plessis. Hein? C'est ça. Pour lequel on a nommé M. Maurice Duplessis en l'honneur de ce pont-là. Puis d'ailleurs, pourquoi c'est intéressant que la CAQ soit si en avance d'un sondage, c'est que là, ben, comme à n'importe quelle élection, tu sais, là, à cette heure, on a des élections à date fixe depuis quelques années, depuis trois élections. C'est Pauline Marois qui avait instauré ça pendant le bref intermède de 18 mois péquiste en 2013. Là, c'est des élections à date fixe, ce qui fait qu'on est en campagne électorale depuis 2 ans. En fait. En gros, là. Ben, ça fait américain. Mais c'est ça. C'est en même temps, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr que au début des années 2000, on a eu beaucoup de gouvernements minoritaires. On était souvent en élection pendant un bout de temps. C'était fatigant à un moment donné, quoi qu'en même temps, la façon qui a été faite, ça n'a pas changé le fait si on avait des gouvernements minoritaires, le fait qu'ils peuvent déclencher des élections un peu n'importe quand. On va voir où ce que ça s'en va. Mais ce qui est intéressant, c'est que présentement, on est au moment où ce que le PLQ devrait se dire, bon, OK, on a fait nos affaires pas impopulaires au début du mandat. Fait que là, on va commencer à faire des cadeaux, là, tu sais, de redonner du stock, là, refinancer, puis tout pour avoir l'air d'enfin. Puis, tu sais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est juste normal, là. C'est de même, ça marche. Là. Ça, c'est plate, là. Faut être réaliste là-dessus. Ça gagne. C'est le but, ce qu'on devrait les voir revenir d'un sondage là. Là, ils reviennent pas, là. C'est la CAQ qui monte. Parce que, dernièrement, il y a eu du gros ras-le-bol. Il y a eu sérieusement, dans les dernières années, il y a eu un seuil qui a été atteint de coupure d'un service public qui a fait baisser leur popularité, un pas point juste de temporairement. Il y a eu un genre de point de non-retour de juste l'infirmière là, qui pleurait à cause de ça. Oui. C'est des affaires de même qui scrapent. Celle qui fait élections. Peur au Doc Mayou. Ouais. Je me réveille d'un coma avec ça. Ben ouais, mais tu sais, garde le Doc Mayou en partant. Là. Ah, il devrait se tenir avec Lisée puis parler contre la moustache de l'autre puis les cheveux roses de l'autre. Ce serait un pas pire club, non? Ouais. Mm. Club Select? Ouais. Moi, je trouve ça ludique, ses cheveux roses à la fille, de toute façon, mais c'est pas ça l'important. Je dis à la fille. La dame. Évidemment, la dame. J'ai une fille de Shawinigan, hein? C'est ça, j'étais assez drôle. Luc Hubert, mon collègue de la sortie de secours, m'a dit qu'il dit c'est drôle, s'est rendu compte que c'était une de ses amies au secondaire. Ah, c'est pour ça. Je trouve ça mais j'avoue que la façon que la photo est prise est peut-être pas nécessairement reconnaissable pour ceux qui la connaissent. Ben, c'est ça, à 25-26 ans. Ouais. Okay. Mais tu sais, on se comprend, puis je veux dire, personnellement, tranche de vie, ma mère a travaillé à l'hôpital 35 ans. Ma mère était technicienne de lab, il y avait des conditions un peu moins pires, mais je veux dire, beaucoup de ses amis sont des infirmières retraitées maintenant, mais ou sur le bord de la retraite, mais je veux dire, moi c'est pas nouveau, j'entends parler de ça, là, du travail supplémentaire obligatoire. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est pire que ça a jamais été. Je pense à une amie à ma mère, entre autres, qui est très en forme, qui a pris sa retraite, mais elle retourne travailler une fois de temps à autre. Des contrats à court terme, mettons, là, dans des périodes un peu plus difficiles, genre dans le temps de la grippe, des choses comme ça, juste pour avoir un petit revenu de plus pour sa retraite. Ça, elle veut se payer un voyage, elle retourne travailler une couple de mois. Elle y va plus, là. C'est rendu ben trop tough, là. Puis elle voit une différence, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 4 ans qu'elle est à retraite, gros maximum, puis elle a vu une différence en tabarouette, là. C'est beaucoup plus dur que c'était juste là, 4 ans, là. Il y a de quoi qui a été atteint là, puis je veux dire, on pourrait faire la même là, c'est parce que c'est plus les infirmières qui sont dans le. Infirmières et infirmiers, là, quand même. Oui, les hommes, personnes rare, infirmières. Les ouais, c'est ça. Le personnel soignant. Voilà. On dit ça de même. Puis c'est sûr, bon, c'est ce qu'on dit des affaires, c'est un gouvernement. Les gros noms du gouvernement, pour plusieurs, c'est des médecins qui ont vraiment une approche. Puis on a un peu cette tendance-là au Québec, mais là, c'est vraiment un peu une approche médecin-centrisme, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que tout passe par le médecin, puis le reste, c'est accessoire à la job du médecin. Contrairement à une vision peut-être plus saine qui serait de dire, ben, c'est un équipe. Le médecin, il a sa part importante là-dedans. Je veux pas le médecin, ça reste un peu, on pourrait dire, l'architecte des soins. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Mais ça reste le que noyau. Ceux qui font les soins sont au moins autant importants. C'est juste l'importance qui est différente, mais en termes de quantité d'importance, c'est semblable. Tu peux pas avoir un hôpital avec juste des médecins. Non. T'sais, ça marche pas. Ça fonctionnerait pas. Ça fonctionne pas. Je m'excuse à tous mes amis médecins. Ah oui? Tant que ça. Ben, écoute, mais c'est dire, vrai. Regarde, j'étudie en philosophie. Puis souvent, les médecins vont être les premiers à le dire. Hein. Mais chacun son rôle. C'est ça le pire. C'est que c'est... Il y a des groupes il y a des associations de médecins pour... Qui en gros militent pour avoir des moins bonnes conditions de travail parce qu'ils trouvent qu'ils en reçoivent trop. Ben ouais. Ils trouvent que leur salaire est trop élevé, ils trouvent que les infirmières reçoivent pas assez, puis ainsi de suite. Quand c'est rendu que des médecins militent, pas pour améliorer leurs conditions de travail, pour les diminuer, pour pouvoir en avoir plus pour leurs collègues qui sont de d'autres, d'autres catégories d'emploi. Tu sais, à un moment donné, là, ça devrait te dire un signe, mais c'est ça. D'ailleurs, Philippe Couillard s'en cachait pas tellement dans le temps qu'il était ministre de la Santé sous Jean Charest. Lui, son objectif, pourquoi il est allé en politique, c'est de privatiser la santé au Québec. Mm-hmm. Il s'en cachait à peine. Puis là, il y en a qui disent « Ah, ben bravo, c'est ça que ça nous prend avec des assurances puis tout. » Non, c'est pas ça que ça nous prend. Soit dit en passant, le pays développé qui dépense le plus en santé présentement, c'est les États-Unis. C'est aussi le seul pays développé qui a pas de système de santé universel. Les gens doivent payer pour tout. C'est ça. Puis c'est celui que ça coûte le plus cher. Pensez-y bien. C'est ça, pensez-y bien. C'est ça. Tu sais, c'est faites attention à ce que vous souhaitez, vous pourriez l'avoir. Et voilà. Parce que ça, il y a des études à tour de bras qui ont été faites, mais qui sont malheureusement peu médiatisées au profit d'études très biaisées. Qui affichent leur biais dans l'étude, mais qu'une fois que les médias s'en saisissent, ils l'affichent pas. C'est ça. Mais en gros, c'est assez démontré que le système à deux vitesses qu'on a présentement, c'est pas payant pour monsieur et madame tout le monde. ça enlève des ressources. Ça fait que chaque dollar investi en santé est moins payant que ce qu'il serait si c'était 100% public. Pour différentes raisons, là, je ne suis pas économiste non plus, là, j'embarquerai pas là-dedans, mais quelqu'un qui parle de santé devrait un peu s'informer sur ce sujet-là, mettons. Ben, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les solutions de la CAQ sont séduisantes par rapport à ça. Comme je dis, moi, ce que j'aime pas avec eux autres, c'est que tout passe par là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas séduisant pendant tout. Ça passe tout le temps par le système à deux vitesses, et ainsi de suite. Ce qui est le fun avec la CAQ, par contre, puis c'est une affaire qui manque à toutes les autres parties, c'est l'innovation. Dans son fameux livre, François Legault parle d'écrire une nouvelle Silicon Valley qui serait la vallée du Saint-Laurent en place. Ouais. Mais il appelle ça une vallée d'innovation. La vallée des avalées. Je trouve ça honnêtement intéressant comme idée. Moi, ça fait depuis 2012 en fait que je dis ça, depuis que la CAQ a été fondée, que je rêve d'un bipartisme où ce que c'est pas le PLQ contre le PQ, parce que le PLQ puis le PQ, je veux dire, à cette heure, c'est des différences de couleur. Le PQ les derniers temps que le PQ était au pouvoir, ils ont fait autant de coupeurs. Tu sais, un exemple que j'aime bien donner de pourquoi est-ce que je suis pas plus péquiste que je suis PLQiste, c'est que, bon, en 2012, moi, j'étais dans les carrés rouges. On militait contre une hausse des frais de scolarité puis des droits de scolarité. En fait, c'est une hausse des droits de scolarité par le PLQ. C'était une hausse qui était stiff, elle se faisait là. Il y a ce qu'on sait, les événements de 2012. Aux élections de l'automne 2012, le PQ est élu. Oui. Gouvernement minoritaire, mais quand même. Puis, premier geste de Pauline Marois, c'est de faire une hausse de scolarité plus élevée que ce que le PLQ voulait faire, mais progressive à la place. Mais c'est une hausse infinie, c'est-à-dire que c'est une indexation, mais une indexation à la hausse. Il n'y a pas de plafond à ça. Indexé au-dessus du coût de la vie, ce qui fait que les frais de scolarité augmentent tout le temps un petit peu à chaque année. Tu sais, tant qu'à moi, c'est un peu un coup de cochon que ce que le PLQ a fait. Là. Ben oui, vraiment. Mais tu sais, c'est un exemple pour dire qu'au bout du compte, tu regardes ce que les bottines font. Même si les babines semblent différentes pas mal, les bottines font, c'est bien plate, mais les deux vieux partis font pas mal les mêmes affaires quand ils sont rendus au pouvoir. C'est sûr que là, c'est facile de fesser sur le PQ, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au pouvoir, c'est une éternité. Regardez 2013, là, la dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, ça fait 5 ans de ça. Il faut donner ça, là, mais... 2014, en fait. Ça fait 4 ans, c'est vrai, les élections ont été en 2014. Ça fait 4 ans, mais quand même. Puis on parle de la fin des années 90, des politiques du même genre, il y en a eu en masse. Bref, tout ça pour dire que moi je rêve d'un jour où ce que le bipartisme va être entre la CAQ d'un côté et Québec solidaire de l'autre. Ne serait-ce que parce qu'on va avoir un parti progressiste, un parti plus conservateur, mettons, on va dire, sur certaines choses. Conservateur dans le sens de conservatisme économique, qui est pas la même chose. C'est-à-dire le gouvernement investit, subventionne l'innovation qu'il faut au privé, ce qui est une chose, je pense que ça en prend une certaine marge dans une société comme la nôtre. Moi, je pense qu'il faut pas que ça se fasse au détriment des services fondamentaux publics, mais bon, ça, c'est mes points de vue à moi. Ça reste que je trouverais ça plus intéressant que l'ajout de politique qu'on a présentement, qui est entre vous êtes un ci, vous êtes un ça, parce que ils ont pas autant de critères de différenciation que ça. Ouais. Pas fou. J'ai un rêve, hein. Tu pourrais faire une publicité de char au Super Bowl avec ça. Ouais. Martin King, utilisé pour vendre des chars. Oh boy. C'est ça, c'est Sébastien Viguartin. Et si c'est pas assez pour vous, cette chronique-là, vous pouvez aussi l'écouter à la sortie de Secouette à votre gauche avec Lucas Hubert. C'est les jeudis à 18h, rediffusion samedi à 11h. Merci Sébastien Viguartin. Ben merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine et on t'apprécie malgré tout. Hein? Malgré tout. Malgré que je viens d'apprendre que ça fait depuis le début de la session que je suis en retard. Tout va bien. Pas tout va bien. On s'aime plein d'amour. Plein d'amour. Merci Sam. Bonne journée. On est rendu à prendre une pause. Apparemment, je ne crois pas qu'on va parler d'improvisation aujourd'hui. Je ne penserais pas. Mais par contre, Tania s'en vient. Et de quoi est-ce que tu nous parles tout à l'heure? Bien, comme on le disait tout à l'heure, on va commencer par la digestion, Mathieu. Oh, intéressant. Ah ouais. Ouais, c'est ton retour. Reste là. Aujourd'hui. 89.1 FM. Tania trouve que ça ressemble à la voix de qui déjà? Bobby Bazzini. Bobby Bazzini. Ouais, je trouve qu'il y a comme un petit thème de voix que je reconnais. C'est comme les bananes en pyjama. Les Bobby en Bazzini. C'est quoi Bazzini? Bazzini. Quoi? Les Bobby en Bazzini. Oh mon Dieu. Mathieu. C'est le moment de chanter, mais mieux que ça, j'espère. J'espère. Ben peut-être pas finalement. C'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'il est allé à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Digestion, là, tu m'intrigues, oui. Parce que le mot digestion, pour moi, c'est pas un sujet qui a l'air intéressant, mais je suis sûr que tu vas rendre ça intéressant. Bien, j'espère, en fait, que je vais rendre ça intéressant. Je vais essayer peut-être un petit peu de vous éduquer sur qu'est-ce que la digestion en quelques étapes assez faciles. Vous allez comprendre, en fait, on s'est dit il y a quelques semaines déjà quelles allaient être les tendances culinaires et nutritives de 2018, et on a vraiment mis l'emphase sur la digestion. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en discuter un petit peu plus. Certaines personnes ont certains problèmes de digestion, on va pas s'en cacher, et on dirait que ça fait en sorte qu'on connaît peut-être un petit peu moins la question de long en large. On va aller parfois, oui, consulter pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre, mais ça, parfois, on oublie qu'est-ce que c'est le système digestif, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça fait, et si on apprend tout ça, bien, peut-être qu'on peut nous-mêmes faire une différence sans nécessairement devoir passer par la pharmacie. Donc, quand le système digestif fonctionne bien, bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les nutriments des aliments qui vont être ingérés vont être assimilés et vont nourrir nos cellules de corps. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va bien fonctionner. Et à l'inverse, bien, une mauvaise santé digestive, ça peut occasionner en effet de l'inconfort ou encore d'autres problèmes intestinaux, entre autres. Donc, pour vous aider, je me suis dit, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'appareil digestif? Bien, l'appareil digestif, ou encore parfois on peut entendre le système digestif, c'est vraiment la même chose. C'est l'ensemble des organes qui permettent justement d'ingérer ou de digérer les aliments qu'on va manger. Ça comprend donc la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et par la suite on va retrouver le côlon. Le processus de digestion, c'est pas très, très compliqué, hein? Je pense qu'on l'a tous déjà vu un petit peu en biologie ou encore en anatomie au secondaire, au primaire ou au bus magique. En premier lieu, la porte d'entrée du système digestif, c'est la bouche. C'est par là qu'on commence à manger la plupart du temps. Si vous mangez par ailleurs, je sais pas comment vous faites ça. Mais, on veut pas le savoir. C'est ça aussi. La bouche accueille les aliments et par la suite, la mastication, c'est une étape qui est cruciale pour justement bien ingérer les aliments, les nutriments qu'on veut que notre corps garde. J'ai vu un article récemment qui disait que les gens ne mangeaient pas assez. Ben, on mange vraiment très rapidement au Canada. En fait, la mastication, ça permet aux aliments de se mélanger avec la salive et c'est ça qui va en faire un bol alimentaire. C'est ça qui va faire en sorte que quand ça va arriver dans notre estomac, ça va tomber. Ouais, ça va être lourd. Ça va rester pendant un bon moment. C'est ce mélange-là de salive et d'aliments. Le bol alimentaire va se diriger le long de l'œsophage et par la suite, ça va atteindre l'estomac. Au contact du pH qui est contenu dans l'estomac, le bol alimentaire va se transformer à ce qu'on appelle la chyme. Le prochain arrêt par la suite, c'est l'intestin grêle. C'est dans ce fameux long tube-là, là, très long. Ben oui, qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres, que va commencer justement l'absorption des nutriments dans le sang. Et c'est cette étape-là aussi qui souvent va nous amener peut-être un petit peu d'inconfort si on a de la difficulté avec notre digestion. Puis la chyme, bien en fait, le chyme va prendre la direction du côlon par la suite. Si on se rappelle bien, le chyme, c'est le bol alimentaire qui est transformé à l'intérieur de l'estomac grâce au pH que notre estomac conçoit déjà. Par la suite, tout ça va être accueilli de façon écosystème vers de bonnes bactéries qui vont favoriser la digestion de nos aliments qui ne sont pas encore décomposés. Donc oui, la mastication, c'est vraiment important parce que déjà à la base, on va pas mal décomposer un bon nombre d'aliments, mais il y a certains aliments qui ne se décomposent pas rapidement, même avec la mastication, même au niveau de l'estomac. Donc par la suite, lorsqu'on va arriver dans l'écosystème avec les bonnes bactéries, c'est là qu'on va essayer de travailler la décomposition de beaucoup de choses. Et c'est là l'étape où, si je me rappelle bien, il faut prendre les probiotiques quand on en prend. Il faut les prendre avec la nourriture pour qu'ils puissent suivre les choses. Parce que si tu fais comme moi fréquemment, les prendre beaucoup plus tard que ton repas, mais ton repas est déjà en train d'être, j'imagine, défait dans ton... Ça fait pas grand chose. C'est fait ça. Tu sais, on fait attention, il faut se renseigner un petit peu. C'est pas nécessairement tout le temps écrit sur l'emballage. Exactement. Par la suite, les aliments qui vont être en train de se faire décomposer vont prendre le chemin du gros intestin. Peu à peu, les déchets qui vont être issus du chyme, ça, encore une fois, c'est la petite pâte là, qui s'est faite avec le pH dans notre estomac, va se solidifier. Parce qu'en fait, l'eau qui va être disponible va être résorbée par l'organisme. Et c'est ça, c'est là aussi qui est important de se dire qu'il faut être hydraté. La digestion, ça va un petit peu aussi avec l'hydratation de notre corps. Notre corps est quand même composé, si je me souviens bien, à 90 % d'eau. C'est élevé, en fait. Ou 80 % d'eau. Ça veut dire que si on manque d'eau, à un certain moment, notre corps fonctionne pas super bien. La digestion rentre en ligne de compte dans tout ça. Il faut absolument bien s'hydrater pour que le tout fonctionne bien. Et par la suite, bien, vous aurez deviné par où ça s'en va. Ça s'en va directement au rectum et là, ça va s'accumuler jusqu'à l'évacuation qu'on va en faire. Ce qu'il faut faire avec la digestion, c'est de favoriser une bonne routine. En fait, ça, c'est l'étape numéro 2 du système digestif, c'est d'avoir un mode de vie sain et actif. Automatiquement, si on a ça, on devrait avoir une bonne digestion, on devrait avoir un corps qui a quand même une facilité à pouvoir éliminer certains nutriments. Donc, la composition, en fait, de notre flore intestinale ou microbiote, ça va être influencé par une foule de facteurs, dont l'alimentation, déjà en partant, comment est-ce qu'on mange, le stress, comment est-ce qu'on se comporte par rapport au stress qu'on a, l'âge, la génétique, le mode de vie, l'environnement et les traitements médicaux qu'on reçoit. Parce qu'il faut comprendre aussi que, bon, c'est sûr que si on est, par exemple, atteint d'une maladie quelconque, qu'on prend des médicaments, je veux pas dire à la tonne, mais qu'on prend des médicaments à chaque jour, ça peut, à un certain moment, venir interférer avec le bon mode de vie de votre système digestif. Mmh. Tu sais, c'est quelque chose qui est normal. Mais pour favoriser les fonctions qui sont liées à la digestion, c'est conseillé d'adopter une saine hygiène de vie. Il faut faire de l'exercice, mais il faut surtout manger lentement, ouais, en prenant soin de bien mastiquer les aliments. Tu le disais tout à l'heure, les Canadiens, on mange quand même assez rapidement, parce qu'on est habitué, en fait, de manger dans un laps de temps qui serait peut-être trop court. Un petit peu court, ouais. Donc, il faut s'assurer d'avoir un sommeil qui va être réparateur aussi, parce que, veux, veux pas, lorsqu'on dort, notre système digestif va se remettre à neuf. Donc, à ce niveau-là, si on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, ça fait en sorte que le système digestif n'a pas nécessairement eu le temps de pouvoir récupérer lui-même. Une routine saine à long terme sur le plan alimentaire, c'est également recommandé, on s'entend. C'est pas juste de manger bien pendant une semaine, c'est de le faire pendant vraiment tout le temps. Et il faut prioriser les aliments qui vont être riches en fibres. Les produits qui vont être fermentés. Il faut boire, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'eau. Il faut consommer une grande quantité de fruits et légumes. Ça revient pas mal tout le temps à la même chose lorsqu'on regarde, en fait, le bon fonctionnement de notre système en tant que tel. Mais à la base, c'est ça qu'on veut faire. Par la suite, il faudrait favoriser une microbiote en santé. Un écosystème de bactéries, en fait, qui est bénéfique. Parce que oui, sachez-le, votre corps comporte des bactéries, mais ce sont des bonnes bactéries pour la plupart. Autrefois, on appelait ça la flore intestinale. Là, on a décidé de changer ça pour la microbiote. C'était beau, flore intestinale. Je sais. Fouille-moi pourquoi, mais... Partez en safari, là-dedans. Ben ouais, hein, je sais. Dans le bus magique, d'ailleurs. Oui. C'est un écosystème de micro-organismes qui vivent dans notre appareil digestif. Et c'est ces petits micro-organismes-là qui sont regroupés selon 1000 espèces qui sont transmis par la mère dès la naissance au bébé. C'est génétique, dans le fond, vous l'aurez deviné. Donc, il y a des avancées scientifiques. Il y a de plus en plus de chercheurs qui se penchent sur les liens possibles entre, par exemple, le cerveau et le microbiote intestinal. Certaines études suggèrent que si on a un déséquilibre de microbiote, ça pourrait influencer le fonctionnement cérébral. Hein? Donc, on pourrait peut-être être tout simplement troublé à un certain moment où on pourrait ne pas être autant concentré de façon neurologique parce qu'on a un problème au niveau de la flore intestinale. Donc, nourrir son microbiote, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est une alimentation saine encore qui va venir chercher ça, mais elle se doit d'être variée aussi. Donc, c'est un premier pas vers un microbiote santé parce qu'on veut contribuer à la richesse des populations bactériennes qui sont présentes dans notre appareil digestif. Et comme je le disais, bien, ce sont des bonnes bactéries. Ce sont ces bactéries-là qui vont faire en sorte qu'on va beaucoup mieux aller et que notre digestion va se faire peut-être plus facilement, plus rapidement aussi. Peut-être qu'à un certain moment, vous avez déjà réalisé que ça vous prenait du temps à vous digérer. Mm-hmm. Bien, posez-vous la question. Premièrement, est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que ma nourriture a un chemin qui va assez rapidement? Si ça va pas assez rapidement, est-ce que je peux juste corriger le tir avec le fait de boire beaucoup plus d'eau? Est-ce que mes microbiotes, justement, mes bactéries pourraient mal aller? Est-ce que j'ai un mode de vie qui serait peut-être pas assez sain? De se poser ces questions-là, ça rentre pas mal en ligne de compte sur le bien-être de sa flore intestinale. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être un lien entre le cerveau et le microbiote. comme je le disais, on se pose la question. On fait des recherches présentement. On parle surtout du dialogue qu'il va y avoir en continu avec le cerveau, mais qui serait entretenu aussi un petit peu par le microbiote. Donc, cette alimentation-là, quand on l'a à l'intérieur de nous, quand ces bactéries-là sont engendrées, notre cerveau serait à pleine capacité. Là, on se rend compte que si on a un petit problème au niveau de la digestion, peut-être qu'on n'est pas si concentré que ça. On se poserait peut-être plus trop de questions sur, justement, notre digestion. Alors, il y aurait un lien à avoir avec ça. C'est encore au niveau des recherches pour le moment, mais si jamais ça se développe de plus en plus, je pourrais vous mettre au courant, ne vous inquiétez pas. Le ventre, c'est souvent appelé le quartier général des émotions. Ben, je dis tout le temps ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est ça, exactement. Donc, qui a jamais eu, en fait, l'estomac noué quand on était un petit peu troublé de façon émotive? Ou émotive. Et, par exemple, l'envie d'aller à la salle de bain en période de stress. C'est là. Tu sais, tout de suite avant un examen ou quelque chose comme ça, bien, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés, encore une fois, sur la question. Et les bactéries du microbiote, ça interagit avec le système nerveux directement. Et ça pourrait aussi influencer notre humeur et notre comportement. Donc, automatiquement, quand on se dit « Oh mon Dieu, je suis stressée, je me sens pas bien, ça bouge dans mon ventre », c'est automatiquement vos microbiotes qui s'excitent. Tu parles comme ça, toi, dans la vie, hein? Comment? Comme tu viens juste de le faire. Ouais, quand même, assez. Parfois, ça dépend de la situation. les probiotiques, en fait, ce sont des micro-organismes vivants. Une chance que ça existe, ça, sérieusement. Je ne pourrais pas vanter plus leur service. Quand tu regardes ça comme ça, c'est un petit peu dégoûtant. Tu dis des micro-organismes vivants, mais dans le langage courant, on peut aussi dire que ce sont des bonnes bactéries. Ben oui. Elles existent sous plusieurs souches de probiotiques, les grandes familles étant, par exemple, les bifidobactérium et les lactobacillus. J'imagine que si vous allez au lactobacillus, ne soyez pas intolérant au lactose. Donc, je suis pas sûr là-dessus. Ah ouais? T'es sûr? Je suis pas certain, mais il me semble que les miennes en ont, puis c'est marqué que c'est sans lactose, sans gluten sur les miennes. Ah ouais? Mais vérifiez, pour être sûr. Vérifions. C'est possible. Mais chaque probiotique a une fonction qui est différente, en fait, dans le processus digestif. Et comme, entre autres, combattre des souches qui vont être pathogènes ou encore réduire, par exemple, votre taux de pouvoir avoir une grippe, tu sais, les probiotiques, ça peut aider à plusieurs choses dans votre système, dont, entre autres, votre système digestif. Ouais. Le stress, ça peut avoir un impact sur le microbiote intestinal. Ça peut perturber les fonctions, en fait, de l'appareil digestif en entraînant des ballonnements, de la constipation et des reflux gastriques. Alors, si vous avez ces trois types de petits problèmes, peut-être est-ce que vous êtes beaucoup trop stressé en permanence. En situation de stress, en fait, le système nerveux central va être beaucoup trop occupé. On saura pas trop comment gérer la situation parce que, de façon neurologique, on lance un danger à notre système au moment où on est stressé. Donc, c'est un système transmis, bien évidemment, par le stress, mais qui dit qu'on est en danger. Donc, le système s'active comme si on était en mode de danger. On va ralentir, on va dérégler l'activité intestinale à ce moment-là. Donc, le moins vous êtes stressé, le mieux vous allez vous porter. C'est facile à dire. C'est logique. C'est tellement facile à dire. Il y a près de 20 millions de Canadiens qui souffrent de troubles digestifs, Mathieu. Sache-le. Oui. T'es pas le seul. Merci. En fait, manger... Toi, là-dedans, tu parles pas de toi. Moi, présentement, ça va bien. Okay. Mais manger devrait être en tout temps une source de plaisir. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Cependant, selon la Fondation canadienne de la santé digestive, il y a 2 personnes sur 3, soit près de 20 millions de Canadiens qui souffrent d'une forme ou d'une autre d'un trouble digestif. Mm-hmm. C'est énorme! Ben 2 personnes sur 3, c'est incroyable. C'est bien évidemment, ça engendre une mauvaise gestion, tout ça, les troubles digestifs. On va vendre des probiotiques au niveau de la pharmacie, tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des façons de s'en sortir de ces troubles digestifs-là parce qu'on veut, à un certain moment, avoir une meilleure santé. Une mauvaise digestion peut parfois avoir un impact sur le sommeil aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les études démontrent en fait qu'il y a certains aliments qui conditionnent la synthèse de la sérotonine et ça peut faciliter l'endormissement, oui, mm-hmm. ou encore au contraire nuire de façon totale à votre sommeil. Donc, c'est favorable pour vous d'éviter les repas qui vont être beaucoup trop riches, qui vont pouvoir provoquer une lourdeur abdominale ou encore adopter une routine qui va être beaucoup plus saine semaine avant le coucher. Donc, si vous êtes difficile à manger un bon gros steak T-bone là, pour souper, inversez votre salade du midi avec votre steak T-bone. Ah ouais? Tu sais, okay. Mettons, mangez le steak sur l'heure du midi et votre salade le soir. Ça devrait aller mieux pour vous. Et le mot probiotique, Mathieu, signifie pour la vie. Pour la vie. Eh bien oui, le mot probiotique vient du latin probiota, qui veut dire pour la vie. Donc, mais c'est la même chose que biote dans probiotique. Le biote, c'est la même chose que ton microbiote. Oui. Ça peut influencer la santé digestive. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des micro-organismes vivants. On est présent à la fois dans la paroi intestinale, mais aussi dans certains aliments. Donc, si vous commencez à prendre des probiotiques, la plupart du temps, vous allez en prendre pendant un bon moment, à moins que vous changiez vraiment de façon considérable ce que vous mangez ou votre alimentation ou votre mode de vie. C'est sûr et certain qu'à un certain moment, vous pouvez arrêter de prendre des probiotiques. Vous pouvez voir aussi, après un certain temps, comment est-ce que vous allez gérer votre mode de vie. Si vous êtes tanné de prendre des probiotiques à chaque jour, écoute, hein? Puis ça marche pas, variez, hein? Il y a différentes sortes et ils font pas tous la même chose. Mais non, c'est ça. Et prenez-les comme faux aussi. Consultez Mathieu. C'est ça, consultez. Écrivez à Mathieu. Donc, vous voyez, déjà à la base, la digestion, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et un petit peu plus tard dans l'émission, bien, on va discuter d'un autre sujet qui est directement en lien avec la digestion. Quel hasard! À suivre! Merci, Tania. Fait plaisir. Pour ce cliffhanger de feu d'émission de Vrac TV qui finit sur un suspense. Ah ouais, OK. Donc, la suite tout à l'heure dans Tania is gonna do Tania. Pour l'instant, vous vous demandez, je le sais-tu? Ben maintenant, vous le savez. Fait qu'on écoute, moi, je le sais-tu? Pour ceux qui le savent pas, c'est les messieurs. Oh! Assemblage requis. C'est le nom du band, les messieurs. Ouais, c'est ça. Pas clair des fois. C'est pas ceux qui viennent de rentrer en studio. OK. Elle sait pas. Autour de la pause, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Oh oui. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours dans l'émission matinale Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Plante et de Tania Bonin. Oh que oui. Oh. Dans quelques instants, on va encore s'acheter des gadgets. On l'a fait un petit peu hier, mais vraiment pas beaucoup. Donc on va continuer ça aujourd'hui. Deuxième partie de Sex, mais ça ne devrait pas, on l'a. Et après ça, une autre chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya. Oui. Rattachée à la première. Ben oui, exactement. Mm-hmm. Donc si vous avez manqué la première, ben je suis désolée pour... Non, je vais quand même faire quelques petits liens, ne vous inquiétez pas. Ah oui, ça va être le fun tout à l'heure. Mais avant ça, on écoute la nouvelle entrée de Cat Meows. Oh. Oh oui, c'est Here I Wait. Cat Meows avec Here I Wait. Pour ceux qui cherchent, le cat, c'est cat. Hein? Mm-hmm. Et Meows, M-E-O-Z. Et non pas M-E-O-W-S comme un miaou, ouais. En tout cas. Hein? Ou cat comme un chat, non. C'est ça, non. C'est pas comme ça. C'est ça. Maintenant, c'est pas comme ça hein, que ça se passe. Des fois, on veut tout acheter, mais on peut pas parce qu'on n'a pas l'argent. Hein? Mm-hmm. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. 10, mais ça ne devrait pas là. La chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Oui, oui, oui. On commence cette fois-ci avec une caméra de sécurité. Bon, c'est cool, une caméra de sécurité, hein? Mm-hmm. Mais des fois, ça peut être compliqué à installer. Bon, il faut que tu les poses, il faut que tu les attaches, que tu les visses ou peu importe sur ta maison. Et bien, maintenant, tu peux ajouter une caméra de sécurité très simplement en vissant une ampoule intelligente. Hein? Ouais. C'est Lightcam. C'est un petit globe avec une caméra de sécurité à l'intérieur. Ça recherche présentement à être financé sur Indiegogo. C'est très populaire. Ça a déjà reçu 425%. Alors qu'il reste encore des jours à la campagne. Vous avez le temps de la réserver pour vous-même. Ça fonctionne dans n'importe quelle prise standard de globe, hein, d'ampoule. On a simplement à visser ça, pas de drill, pas de filage, rien à faire. Et c'est donc idéal pour ceux qui louent peut-être un appartement, qui veulent une caméra de sécurité quand même. Ça se connecte à votre réseau Wi-Fi et ça communique avec une application, bien sûr. Il n'y a aucun contrat requis. Lightcam a assez d'espace de stockage pour sauvegarder environ une semaine de vidéos. Et vous pouvez accéder à ces vidéos-là via l'application Lightcam ou même télécharger des clips pour les garder de façon permanente sur votre téléphone. C'était l'épreuve de l'eau. Ça fonctionne à l'intérieur, à l'extérieur. C'est 1080p avec lentille large pour pouvoir ajuster l'angle de la caméra. Ça peut même voir dans le noir. Ça produit l'image en noir et blanc jusqu'à 25 pieds de distance. Il y a même un sensor, oh, un détecteur de mouvement qui sait quand quelqu'un approche la cam. Et il y a aussi même un micro et un haut-parleur qui permettent de communiquer avec votre visiteur. Pour vrai, ça a tout ce que tu pourrais vouloir. Tu peux contrôler les lumières LED à l'intérieur pour qu'elles s'allument. Et tu peux même recevoir des alertes. Et tout ça vient avec un par-dessus. Pour votre bouton de lumière. Comme ça, tu peux mettre par-dessus pour bloquer le bouton pour que personne éteigne la caméra. Ah oui, bonne idée. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense qu'ils ont pensé à tout. Et c'est bon, c'est sûr que c'est quand même cher parce que c'est une caméra, là. C'est 100$ pour une seule Lightcam avec des rabais si vous en achetez plusieurs. Mais je trouve l'idée vraiment fantastique. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ça s'appelle Lightcam. C'est sur Indiegogo. Ensuite, on change d'endroit pas mal, on va à la salle de bain. Tu t'es toujours demandé, mais qu'est-ce que je vais faire si je veux boire de la bière dans la douche? Il fut un temps où non, je faisais juste prendre la canette puis je l'amenais dans la douche. Oh, pour vrai? Ouais. Ben, tu vas pouvoir continuer de faire ça si tu veux, parce que non, maintenant, tu vas avoir une place où mettre ta bière, parce que le bord du bain, c'est glissant. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais, tu mets déjà ton portable et ton iPhone branché dans le mur. J'ai jamais fait ça dans ma propre appartement, mettons, dans ma propre douche, mais j'ai déjà fait ça en voyage et je te jure qu'il y avait un rack qu'on pensait qui était spécialement ben, là pour voyons ça. Voyons donc. Mais c'était sûrement pour autre chose qui est de la même forme, genre ton shampoing. Probablement. Mais bon. Mais hein. Nous, on l'a pris comme beer holder. Achetez-vous un truc pour tenir votre bouteille de shampoing et mettez votre canette dedans. Ou encore, achetez-vous le shower beer holder. Ben oui, hein? Ben oui. Ça s'appelle Sudski, S-U-D-S-K-I. C'est donc fait en silicone. C'est fait pour prendre une bière dans votre douche. Ça colle à n'importe quelle surface, qu'elle soit douce ou peu importe, dans votre salle de bain. Sans aucune suction, sans adhésif et sans truc à attacher au mur. Vous avez simplement à coller ça sur une surface sèche au départ. Ensuite, attendre 24 heures et ça va changer votre vie. Donc, tu comprends que c'est pas une suction en tant que telle. C'est vraiment ouais. Collé au mur. Donc, il faut que le mur soit sec. Et après ça, c'est à l'épreuve de l'eau. Donc, l'eau va couler sur les côtés. Sudski, hein? Votre propre mini-bar dans la douche. C'est cute. Oui. Ensuite, on reste dans l'alcool hein, pour ce célèbre mois 28 jours sans alcool. On a toujours des affaires qui sont reliées à l'alcool quand même. Allons-y avec un fût qui est contrôlé de façon électronique. C'est donc pour garder votre bière parfaitement buvable à même le fût ben ou oui. Encore versé dans un verre, c'est comme vous voulez. C'est donc c'est fait de calibre commercial, mais c'est fait pour le grand public quand même. Ça peut tenir jusqu'à 1000 portions de 16 onces par heure. En fait, ça peut pomper, oui, 1000 portions de 16 onces par heure. C'est disponible en version à 4 ou à 6 fûts. Donc, c'est vraiment littéralement un fût pour votre maison. C'est de la forme de micro-ondes, je dirais. Et t'as comme des petits fûts en tube, en tuyau. Mm-hmm. Tu mets ton verre en dessous et tu appuies sur un bouton pour faire sortir ta bière. Ça s'appelle le Beer Jet. Beerjet.com et le site web. Hein? On aime wow. Ça. Ensuite, allons-y avec, encore une fois, de l'alcool pour ceux qui ont besoin de boire un petit peu partout, mais qui veulent pas avoir à traîner, je sais pas, on a déjà parlé d'une sacoche avec un réservoir à bière, on a déjà ouais. Parlé, je sais pas, d'une flasque normale, bon, ça paraît quand tu bois, hein? Maintenant, on a un bracelet qui est aussi une flasque. Oh! Un très gros bracelet quand même. On ouais, dirait, ça doit être encombrant un petit peu. Hein? On dirait un jonc ou une alliance, mais version vraiment gigantesque, qui est plus grand que votre poignet. Sauf qu'à l'intérieur, il rend de l'alcool et il y a un petit bouchon pour que tu puisses facilement enlever le bouchon et verser ça dans ton verre. Évidemment, bon, certains pourraient s'en servir pour drogue du viol et autres, mais c'est fait pour la bière. Voilà. Tout ça pour combien? Ça me cache le montant. 56$. Voilà. C'est en stainless steel. Ça peut tenir jusqu'à 3 onces d'alcool. Ça vient avec un seau de silicone et un joli plaqué rose arc-en-ciel, presque rose gold comme les iPhones. Ça ressemble à ça, en tout cas. Bref, pour vous garder bien lubrifié sans réveiller les soupçons. Ensuite, on change, mais toujours pour du liquide, mais plus de l'alcool. On parle de trucs pour brasser votre soupe ou vos pâtes, peu importe, de façon automatique. OK. Là, tu te dirais, bon, OK, il y a déjà des gadgets qui existaient, des couvercles spéciaux qui permettent de brasser ça. Bon, là, ici, c'est vraiment pas mal plus basique que ça. Ça s'attache sur le côté de votre chaudron et t'as comme le truc pour brasser va être inséré dans le milieu, dans un genre de trou. Et c'est ça qui va tourner, qui va faire tourner ton ta louche, j'ai ouais. envie de dire, si on veut. Donc, pour sauver du temps et de l'effort en préparant vos repas, c'est fait pour les chaudrons de 6 à 12 pouces de diamètre. Et ça va empêcher, évidemment, votre nourriture de coller, de brûler ou même de dégratigner votre vaisselle parce que la cuillère est en plastique. La cuillère vient avec, en passant. Ah. Ça s'appelle Stirmate. Donc, c'est vraiment littéralement comme... pas un étau, mais une pince qui tient sur le bord oui, du chaudron. Oui, oui, oui. Et vers le milieu, t'as un trou et la cuillère entre dans le trou et le trou tourne pour faire tourner ta cuillère. Est-ce que c'est clair? C'est difficile à expliquer. C'est clair. Ensuite, pour les gens qui aiment le sport, les sports d'hiver, qui aiment se promener dehors, mais qui veulent pas avoir à traîner leurs skis, c'est tellement encombrant des skis. Hein? Mm-hmm. Hein, t'sais? Oui, quand oui, tu oui. vas faire du ski, tu traînes tes skis, OK? Mais bon, le reste du temps, si tu veux faire des skis, t'as pas tes skis sur toi, tu pourrais peut-être transporter tes Snowfeet mini skis. Okay. C'est super cool. C'est donc c'est des mini-skis qu'on attache à ses bottes. Un peu comme on peut ajouter des crampons à ses bottes, ben on peut ajouter aussi des skis. Hein? Vous pouvez les transporter dans votre sacoche, n'importe quoi, dans votre sac à dos. Hein? Et quand tu as besoin de faire du ski, tu veux dévaler une pente. Ça t'adonne que tu croises une pente. Oui. T'enfiles tes mini-skis après. That's it, tu y vas. Ah, c'est le fun. Lâche-toi lousse, mais hein. On aime ça. Ce serait parfait aussi à traîner avec les... je me rappelle, il y a quelques semaines, j'avais parlé de... c'était des... comme les tapis... de glisse qu'on mettait sur ses genoux. Mm-hmm. Comme pour faire du jardinage, là, ça se pognait après les genoux, mais oui. C'était pour glisser sur tes genoux l'hiver. Donc, tu pourrais avoir tes mini-skis et en plus, tes genre des petites genouillères, voilà, pour faire les deux en même temps. Hein? Joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, t'as toujours envie de transporter $1,000,000 avec toi, mais tu sais pas dans quoi le mettre. Ouais. Tiens, ça arrive. Ben oui, mais là... Ça m'arrive tout le temps, écoute! On va se dire, t'as $1,000,000, qu'est-ce que tu fais avec? C'est en coupure de $100 américains et tu veux passer inaperçu, hein, en traversant la frontière, par exemple. Ouais, je ben sais oui. pas. Bref, c'est un sac de 20 litres? Mm-hmm. 20 litres. Je crois que c'est 20 litres. Qui pèse presque rien. Ça peut être utilisé pour n'importe quoi, évidemment, des vêtements, des outils, mais c'est fait exprès pour transporter $1,000,000 en coupure de $100. Hein? C'est fait de quelque chose qui est encore plus solide que le Kevlar et c'est fait d'un composite de dynamite à l'épreuve de l'eau, donc c'est une sorte de tissu. Ça s'appelle le 1 Million Holly, H-A-U-L-Y, et c'est donc discret, très mât, avec un genre de fini de papier mis en boule, comment t'appelles ça, comment t'appelles ça quand t'as quelque chose, pas ratatiné, un genre de... Tu sais, quand tu mets un papier en boule. Ouais. Puis là, c'est comme... Chiffonné. Chiffonné. Avoue, c'était difficile à trouver comme mot, mais tu l'as eu. Oui. Je serais bon à c'est quoi, pyramide? Oui, c'est ça exactement. Un pyramide. Petit peu comme hier, on disait ça. Oui, c'est exactement ça. On était là, puis on se disait des mots, puis on disait, hey, ça, on dirait pyramide. C'est le fun, ce jeu. Bref, zipper YKK pour la fermeture éclair. Et c'est à l'épreuve de l'humidité. Pour votre argent, $1,000,000 à transporter dans votre sac. C'est en stock en ce moment et c'est shippé gratuitement si vous voulez vous le procurer. Hein? Ensuite, ça c'est bon! Ça a l'air vraiment cool. C'est un bol à trempette pour vos chips, mais c'est un peu un volcan en même temps, donc c'est une assiette volcanique. Ça s'appelle le Volcano Dip Bowl. Littéralement, ta salsa va être dans le centre de ce volcan-là et tu peux faire couler la salsa sur les côtés. Donc quand quelqu'un va se prendre une chip, ça va faire couler la salsa sur les côtés et ça va faire une jolie petite apparence. Hein? Volcano Dip Bowl pour rendre ça encore plus amusant de manger les croustilles. Une éruption de saveur. C'est fait à la main, c'est de porcelaine qui va au micro-ondes. Parfait pour faire un petit guacamole. Hein? Mm-hmm. Ou du salsa con queso. Oh là là! Salsa con queso! Je suis jamais capable de le dire, ça. C'est bon! J'aime tellement ça! C'est quoi, c'est salsa? Con queso! Salsa con queso! Salsa con queso! Ensuite, votre animal de compagnie mérite ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Oui! J'ai vu quelqu'un ce matin promener son petit chien qui avait l'air d'avoir froid aux pattes. Hein? Oh. Mais bon, c'est pas de ça qu'on veut parler. Il continuera d'avoir froid aux pattes. On veut pas qu'il ait froid à la tête. Donc ah, ben non. Ben hey, non. Beau minute. Hein? Faut donc pas qu'il pogne la grippe. Ben non. On va lui faire porter une perruque pour animaux de compagnie. Bien sûr. Pour lui donner une belle coiffure. Oui. Oui, votre chat, votre petit chien. Hein? Tu peux avoir un joli toupet. Tu peux avoir une moumoute à la Katy Perry style bleu. Hein? Pour que votre chien soit une diva. De divan. 57$. Divan de divan, c'est une télé-réalité. Je vais y penser avant de l'acheter pour mon chien. Ensuite, un tableau blanc. C'est bien le fun. Dans les écoles, tout le monde a ça. Tableau ouais. blanc. Même les tableaux sont rendus numériques. Mm-hmm. Maintenant, le tableau blanc. Mais maintenant, on a Samsung qui nous amène le Flip Digital Whiteboard. OK. Hein? Ce qui veut donc remplacer les tableaux blancs avec une alternative interactive. Un peu comme un tableau blanc, on peut dessiner directement sur l'écran. C'est un écran de 55 pouces. Mais l'avantage, c'est qu'on peut dessiner avec n'importe quel objet. Et jusqu'à 4 personnes peuvent dessiner à la fois. Il y a une connectivité sans fil qui permet à des gens, même à distance, de voir ce qu'il y a sur le tableau et contribuer au tableau en temps réel. Résolution 4K pour que vos notes, vos dessins, vos créations soient aussi belles que possible. Et c'est disponible avec un petit stand, là, un petit rack, comment t'appelles ça là? Pas un lutrin, là, mais quelque chose pour tenir ce moniteur-là et le rouler sur le plancher. Là. Mm-hmm. Hein, voilà. Ça coûte 2 700$ américains et plus. Ensuite, on parle de vibrateur qui peut être connecté et piraté à distance. D'accord. OK, oui. Donc, votre petit dildo connecté à Internet, c'est bien le fun, mais sachez qu'il peut être hacké. La firme technologique autrichienne SEC Consult a annoncé qu'elle avait décelé des failles de sécurité dans plusieurs objets sexuels connectés à Internet. La faille la plus importante concerne les quelques 50 000 personnes qui utilisent le vibrateur à distance Panty Buster. Produit par l'entreprise Vibratissimo. Ça ne t'accorde quelque chose. Donc, on a pu mettre la main sur les données personnelles des utilisateurs, comme des images sexuellement explicites, des mots de passe et les adresses postales. L'accès aux images qui est rendu possible en raison des fonctionnalités de clavardage de l'application mobile Panty Buster qui accompagne le vibrateur. Hein? Le contrôle à distance, même sans consentement du vibrateur, est également possible en raison d'une fonctionnalité défectueuse sur l'application. Il a fallu démontrer à quel point il est facile de pirater le vibrateur. SEC Consult a fait part de sa méthode dans une courte vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Donc, faites attention si vous procurez, oui, un vibrateur connecté. Justement, parlant de choses connectées, votre ours en peluche pourra peut-être dorénavant détecter les activités paranormales. Oh, OK. Mm-hmm. C'est le Boop Buddy Ghost Hunting Interactive Bear. Le BBGHIB. Bien sûr. Qui est capable de détecter les traces d'activités paranormales. En tout cas, c'est supposé le faire. C'est un ours à EMF, donc champ électromagnétique. Aussi, c'est un enquêteur interactif qui pose des questions intelligentes et réagit aux changements dans l'environnement, comme le ferait un véritable enquêteur. Il traque le paranormal avec vous en utilisant les réponses positives et en vous faisant savoir quand l'environnement change. Il aime poser des questions avec voix électronique pour obtenir une réponse. Et si l'environnement change, comme le champ électromagnétique, la température ou le mouvement, Boobody répond en conséquence, vous faisant savoir qu'il pourrait y avoir une présence. Mm-hmm. On peut l'installer confortablement et l'allumer pour qu'il travaille. Il va se mettre lui-même à l'œuvre et on dit que c'est pas un jouet. Non, non, non. Ben non. Ben non. C'est n'importe quoi. Boobody, vous pouvez mettre la main sur cet ours sur boobody.com. Un ours en peluche, pas comme les autres. Et les gens croient n'importe quoi. Oui. Continuons dans cette chronique de gadgets avec le Sound Decorator qui camoufle les bruits embarrassants aux toilettes. Les Asiatiques sont particulièrement apeurés par les bruits de toilettes. Il y a tout le temps des petites machines à bruit dans les toilettes japonaises surtout. Donc la politesse est très importante au Japon. Cette politesse qu'on retrouve dans tous les aspects de la vie là-bas, même aux toilettes. Comme je disais, dans les toilettes publiques, il y a souvent un petit appareil électronique pour faire des bruits, pour masquer les bruits embarrassants. Et le Sound Decorator, c'est une version pimpée de ça. Le spécialiste des accessoires de maison japonais Lixil s'est associé au fabricant d'instruments de musique Roland pour mettre un terme aux bruits embarrassants qu'on peut faire lorsqu'on fait pipi. Contrairement à ce qui existe déjà, le Sound Decorator génère un son rendant les sons originaux moins audibles. Pour ce faire, les ingénieurs ont utilisé l'effet de masquage auditif. Donc, on affecte la perception d'un son par la présence d'un autre son. C'est comme l'annulation sonore. Ouais. Ça dans les écouteurs aussi des fois. Et lorsque l'appareil est activé, on se croirait au milieu d'une forêt avec un petit ruisseau qui coule et des oiseaux qui gazouillent. Aww. Ah, c'est joli, c'est joli. Ensuite, on parle de poubelle. Ouais, on parle de poubelle. C'est la plus récente invention de Simple Human. Une poubelle qui répond quand tu lui dis « Ouvre la poubelle ». C'est comme un genre de sésame ouvre-toi et la poubelle s'ouvre. Et je te jure, t'as pas de pédale. Pareil. T'as pas de pédale et t'as pas de clavier, t'as rien pour ouvrir la poubelle autre que ta voix. Hein? Tu peux utiliser des batteries ou un adaptateur AC pour la faire fonctionner. Et ça arrive qu'il y a des faux positifs, donc des fois si quelque chose à la télé dit par exemple open can, je sais pas comment tu dirais ça autre que pour ouvrir une poubelle, mais bon. Ouais, je sais pas. Ben ça pourrait faire ouvrir la poubelle. Ah, ok. Ça pourrait être amusant quand même. Ben ouais. C'est argenté comme poubelle et on dit que c'est résistant aux empreintes digitales. Voilà. Ça peut tenir 58 litres et ça vient en format standard ou en format pour le recyclage. Et l'intention, c'est que la poubelle soit à gauche et non, le recyclage à gauche, la poubelle à droite. Bref, je sais pas qu'il va falloir qu'on se renseigne sur comment est-ce que la poubelle va faire pour savoir si c'est du recyclage ou du... Est-ce qu'il va falloir que tu dises open recycling? Oh, peut-être? Je sais pas, hein? Bref. Peut-être. Ce n'est pas peu cher, hein, 58 litres pour une poubelle intelligente, entre guillemets. Là. Bon, elle a juste une option d'intelligence, mais quand même. 160$ US, des fois 250$ US, ça dépend. La version activée par la voix est souvent à 250$ US sur Internet. Donc voilà, c'est disponible en 5 couleurs. J'ai dit argenté tantôt, mais il y en a d'autres. Sauf que le couvercle va toujours rester argenté, peu importe le corps que vous choisissez. Ensuite, on reste dans la propreté avec une machine futuriste pour plier votre linge. Oh, OK. Ouais, on parle des fois de ces machines-là à plier le linge. En voici une qui sort du CES à Las Vegas au début du mois de janvier. C'est en collaboration avec Panasonic et la compagnie Seven Dreamers. La machine s'appelle Laundroid, donc un appareil capable de trier et plier votre linge. Ça coûte 16 000$ US, hein? Et on dit que vous pouvez mettre jusqu'à 30 à 40 articles maximum dans ce qui ressemble à un grand placard traditionnel. Donc, on dirait quelque chose que tu aurais monté d'IKEA, là, un meuble en bois. Le système détecte, ramasse et analyse chaque article grâce à sa caméra et son intelligence artificielle pour trouver la meilleure manière de plier chaque article. Ce robot ménager dispose aussi d'une application mobile dédiée permettant notamment de visualiser les articles pliés par la machine pour pouvoir ensuite notamment les trier selon les membres de la famille ou le genre de vêtements. On peut aussi créer un dressing, donc un costume en ligne, d'activer le processus à distance, de consulter l'historique des vêtements répertoriés ou même de contacter le service à la clientèle. Les fabricants qui travaillent actuellement à développer une version pour les hôpitaux et les maisons de retraite où ça serait probablement plus logique d'avoir ça. C'est le fun pour le grand public, là, mais en même temps, qui va payer 16 000$ pour pas avoir à plier son linge? On s'entend. Alors que dans un hôpital ou une maison de retraite, ça pourrait être parfait. Hein? Voilà, les commandes vont ouvrir en mars prochain. Ensuite, on parle toujours de vêtements avec une cravate qui ne se mouille pas. C'est la Dry Tie, la Liquid Repellent Tie. Donc, c'est une cravate qui se nettoie elle-même, super hydrophobe, qui repousse les liquides. On n'a jamais besoin de la nettoyer parce que si on renverse quelque chose dessus, ça va rouler comme sur le dos d'un canard. Ou sinon, on passe ça sous le robinet et ça va aussi se laver. Hein? Voilà, donc la Dry Tie. Ensuite, c'est le Flip It Cap. C'est un petit capuchon qui vous permet de prendre les dernières gouttes de vos bouteilles. Par exemple, de ketchup, de crème, de shampoing, peu importe. Que ce soit donc de la lotion, du sirop d'érable. On a tous de la difficulté des fois à sortir les dernières gouttes. Et des fois, tu as vraiment envie de sirop d'érable. Et ouais. Tu veux avoir les dernières gouttes parce que c'est donc délicieux. Même une goutte, c'est délicieux du sirop d'érable, tu sais. Fouette. Je suis un petit peu obsédé en ce moment. Ouais, ça paraît hein, sûr, je vois ça. Paraît Bref, on frappe la bouteille contre le comptoir, on pousse dessus, je sais pas, on squeeze, peu importe. Mais on n'est jamais capable de se rendre jusqu'à la dernière goutte. Il doit y avoir une meilleure façon. Comme on dirait dans une info-publicité, ça s'appelle le Flip It Cap. Voilà. Donc, on a simplement à remplacer le bouchon. On enlève l'ancien et on met le nouveau. Et ça fonctionne comme n'importe quelle bouteille, sauf pour une différence, c'est que le Flip It Cap a des jambes. Et ça te permet, des petites pattes, de mettre ta bouteille à l'envers dans le réfrigérateur ou peu importe sur le bord du bain. Hein. Mm-hmm. Évidemment, la gravité fait le travail et amène ce qu'il y avait au fond sur le dessus. On se comprend. Ouais. Flip It Cap, donc, disponible pour une variété de formats, de capuchons, bien sûr, entre 13 et 30 $ US sur Amazon. L'idée est pas mauvaise en tant que telle, mais on le fait déjà mettre les bouteilles à l'envers et ça veut pas dire que tu réussis à prendre les dernières gouttes. Mais bon. C'est vrai. C'est mieux que rien. Ensuite, as-tu déjà eu envie de nettoyer tes fenêtres et tu t'es dit, ben, Colin, je suis comme au troisième étage. Comment est-ce que je vais faire pour aller nettoyer mes fenêtres à l'extérieur? Oui, ça m'arrive souvent parce que je vis au troisième étage. c'est comme si j'avais dit ça exprès pour toi. Ouais. Exprès pour toi. Ça s'appelle le Glider Magnetic Window Cleaner de la compagnie Tyroller Bright Tools. C'est donc un outil, c'est comme un genre de squeegee qui va squeegee-er l'intérieur et l'extérieur de tes fenêtres exactement en même temps, mais tout ça de l'intérieur de la maison. T'as juste à ouvrir la fenêtre, envoyer du spray à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe, et tu attaches les deux ensemble. C'est par aimant que ça va tenir ensemble. Et tu vas pouvoir bouger le squeegee pour faire laver l'extérieur en même temps que l'intérieur à cause de l'aimant. Ah ouais! C'est cool quand même. Quatre aimants très puissants avec quatre squeegees de caoutchouc naturel avec une corde de six pieds pour empêcher celui qui est à l'extérieur de tomber en bas si l'aimant, si mettons tu fais un mauvais move, c'est attaché par une corde. Fait que celui qui est à l'extérieur va pas tomber en bas du troisième étage. Tu comprends? Mmh. C'est disponible en trois versions de force magnétique, que ce soit pour une fenêtre avec un seul panneau de vitre ou sinon à double panneau. Donc il faut prendre des aimants encore plus puissants pour ça, mais c'est plus cher. Vous pouvez aller le voir en action sur assemblagerequis.com. Pour les gens qui veulent faire leur ménage du printemps, vous pourrez commander votre Glider Magnetic Window Cleaner. Ensuite, pour ceux qui aiment le karaoké mais qui veulent pas déranger les gens de leur entourage, vous voulez chanter à voix haute, faire vos vocalises, échauffer votre voix, mais vous voulez pas déranger vos collègues. Donc le Belt Box, c'est un masque fait juste pour toi. Oh! Juste pour toi. Donc que vous soyez chanteur et vous avez besoin de travailler votre voix, ou sinon, je sais pas, peut-être animateur de radio qui veut faire ses petits exercices de diction avant l'émission, ce que j'aurais pu faire quand même. Donc on veut mettre ça en sourdine et c'est ce que Belt Box, ce curieux gadget, fait comme proposition. Donc c'est un masque conçu pour atténuer les vocalises de 30 décibels. C'est comme si les gens autour de vous portaient des bouchons d'oreilles. C'est cool. L'objectif est de pouvoir s'entraîner, chanter ou chauffer sa voix partout. Oh, c'est et fun, puis il y a une petite vidéo de démonstration qui vous montre comment ça fonctionne. Vous pourriez même chanter dans l'autobus, mais là, à un moment donné, ouais, on se calme. Hey, hier, là, le gars avec qui j'ai pris l'autobus, ok, j'arrive à mon arrêt d'autobus. Il y avait un gars qui avait vraiment l'air de se parler tout seul. Mais j'ai vu qu'il portait des écouteurs, tu sais. Fait que ça se peut qu'il y avait son micro dedans. Sauf qu'en même temps, il y avait un cache-cou. Fait qu'est-ce que la personne aurait vraiment entendu son... Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il se parlait vraiment tout seul. Ouais, possible. Tu sais, il était dans l'autobus, il se cachait la bouche un peu. D'après moi, il se parlait de ça. Ah ouais? Hey, c'est bizarre, ça. Ah, il y a du monde de même. Les autobus de la STTR attirent beaucoup. Ouais, c'est ça. Bref, un cadeau pour les chanteurs. Ça va être livré en 2018 pour $50 US. En fait, ça devrait être déjà fait. L'expédition a commencé à la fin du mois de janvier. Et finalement, pour terminer ce bloc de 20 gadgets, allons-y avec une superbe couverture qui t'enveloppe jusqu'à la tête. Quand il fait froid l'hiver, c'est fait pour essayer de régler ton rhume. Ouais. Ça s'appelle l'Anti-Cold Head Wrapping Blanket. Donc, pour protéger ta tête du froid de la nuit, tu places cette oreiller-là. En fait, on dit que tu la places par-dessus ton oreiller. OK. OK. Et tu viens t'insérer la tête dans le trou. OK. Donc, tu vas avoir l'oreiller en dessous de ta tête, la couverture par-dessus ta face avec un trou pour ta face, OK? Et ça continue en couverture, hein? Bref, c'est ça. Tu protèges ta tête du froid, tu mets ta tête sur l'oreiller, en dessous de la couverture, dans les deux moitiés, et tu enveloppes en dessous de ton menton pour garder ta tête, ton cou, tes oreilles, tes épaules, tout au chaud, avec une couche thermique à l'intérieur, un extérieur de coton doux, hein? Et c'est pas mal ça. Une alternative pour ceux qui porteraient un petit chapeau de nuit, peut-être. Peut-être. Ça remplace ton chapeau de nuit. Ça pourrait. Est-ce que quelqu'un porte encore un chapeau de nuit de nos jours? Je ne penserais pas, non. Pas sûr. Pas certaine. Voilà pour les gadgets d'aujourd'hui. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1199. Voilà. On s'est acheté assez de choses. Il va rester à peine assez d'argent pour payer nos factures. Fait que, en l'honneur de ça, ben, c'est Dali Placard. Pas le choix. Paye tes billes. Paye tes billes. Tout de suite à Assemblage Requis. du placard. Voilà, avec payer tes billes, l'assemblage requis. Avant de continuer, tantôt, j'ai parlé d'un gars qui se parlait tout seul en attendant l'autobus. On sait pas s'il y a un problème, ce gars-là. On sait pas. Puis, tu sais, problème, c'est relatif. Ça veut pas dire que c'est un problème. Non, c'est ça, exactement. Il peut avoir quelque chose. J'ai dit qu'il était bizarre. Oui. Peut-être qu'il reste bizarre. Mais pas méchamment. Non, c'est ça, exactement. C'est pas vraiment des excuses, méchant, là. C'est ça. Bref. La situation a fait en sorte que t'as trouvé la situation bizarre. C'était particulier, tiens. C'est ça. C'est parce que je savais pas. Peut-être qu'il parle au téléphone. Mais probablement. Il y en a qui ont des micros dans leur... Ouais, c'est ça, Bluetooth. Ça peut arriver, ça peut arriver. On sait pas. Peut-être. Bref, au retour, une autre collègue de Tania is gonna entertain you. Reste là. Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Troisième heure l'assemblage requis en ce mercredi 7 février. Oui, et oh, ça n'allait plus dire janvier? Ouais! J'ai cru sentir dans ton de voix. Ça ressemble à ça? Ouais. 2018. Elle s'appelle Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante qui s'excuse sans vraiment s'excuser parce qu'il a offusqué quelqu'un qui pourrait être offusqué, ça m'offusque. C'est ça. C'est ça. Bref, on s'en va entendre du Matty Leon. OK. Tu me diras, je connais pas ça. Ouais, non, moi, je connaissais pas ça. Je connais pas ça. Ah, mais j'ai compris que tu connais pas ça. Je rien. Connais pas ça. Calme-toi. OK. Non, mais c'est le fun parce qu'il va être en spectacle bientôt. Ah ouais? Ouais. Matty Leon, qui vient de Toronto, en fait. Le spectacle va être le 16 février prochain. Donc, c'est vendredi, pas là, mais l'autre après, 16 février. Donc, Matty Leon de Toronto, Sweet Roger de Montréal et Kylie Fox and the Hound à Montréal. Ça va être au Vitrola. Okay. Ça s'appelle La Vitrola, l'endroit, c'est sur Saint-Laurent au 4602. Ça va être à 20h, ça coûte 6$. Pour plus d'informations, c'est mattyleon.com, mattyleon.com. Et lui qui est auteur, compositeur, interprète, il fait, dit-il, un équilibre entre le folk R&B et la pop. Il a sorti son plus récent album Signal Hill, album de 7 chansons en 2017. C'est une collection qui dit de Canadiana rythmée, hein? Donc, c'est rempli d'émotions et de passion. Matty Leon. On va l'écouter avec une nouvelle entrée du palmarès. C'est la première fois qu'on la joue. C'est dans les prochains palmarès, même pas dans ceux qui sont là. On joue à l'avant-garde des prochains palmarès. Donc, c'est Matty Leon. Voici la pièce titre Signal Hill. Tout de suite à l'assemblage requis. Thank you. Matty Leon et Signal Hill, qui, on rappelle, va être en spectacle le 16 février prochain au Vitrola, sur Saint-Laurent, j'ai dit, hein, tantôt. Oui, c'est bien ce que t'as dit. Mm-hmm. Maintenant, c'est la deuxième partie de Tania is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. On continue dans la lignée de l'alimentation, la digestion, le corps, comment ça se passe, la nourriture là-dedans. Exactement, on a parlé de digestion tout à l'heure, comme tu viens de le dire. Eh bien là, on va bien évidemment se diriger vers la problématique, Mathieu. Oui, une que... des nombreuses problématiques. Exactement, certaines personnes ont de la difficulté avec leur digestion. Ça crée des petits troubles intestinaux. Mm-hmm. Mais je me concentre plus précisément dans cette deuxième partie de chronique vers le coupable ou le non-coupable gluten. El gluten. Écoute, je pense qu'on voit de plus en plus d'aliments, de plus en plus de matière à l'épicerie qui est inscrit sans gluten. C'est devenu populaire dans les dernières années, je te dirais. Et on se rappelle aussi qu'il y a certains médecins qui, au départ, disaient « Allez pas faire un régime sans gluten si vous n'avez pas une allergie au gluten. Ouais. » Parce que le gluten, ça contient quand même certaines protéines que le corps a besoin. C'est sûr et certain qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient allergiques au gluten, du moment qu'ils arrêtaient le gluten, mon Dieu, ils fondaient. C'est sûr que c'est le fun, ça. C'est ça, hein? Ça a attiré certaines personnes. Mais moi, je veux vraiment me concentrer là, sur les troubles intestinaux parce qu'il y a une étude, en fait, qui suggère que dans les aliments à base de blé, le gluten serait peut-être pas responsable des troubles intestinaux, okay. Mais des glucides, en fait, qui sont appelés des fructanes. Qu'est-ce que c'est exactement? On l'a dit, là, depuis certaines années, on accuse le gluten de troubles intestinaux pendant que peut-être ça y est pas pour grand-chose. C'est erreur sur la personne, fausses accusations. Ça serait peut-être ça, Mathieu, ça serait peut-être des fausses accusations. Et là, je tiens à dire, on parle pas des allergies, là. On parle vraiment des troubles intestinaux que vous avez par rapport au gluten. Les malaises. Donc, en novembre 2017, on a publié dans une revue qui est Gastroenterology une étude qui amène à s'interroger, en fait, sur la question du gluten et de ces fameux troubles intestinaux. Il y a des chercheurs des universités d'Oslo en Norvège ou de Monash en Australie qui suggèrent que ce sont les fructanes. Qu'est-ce que ce sont que des petites fructanes? En fait, ce sont des glucides qui se trouvent entre autres dans des aliments à base de blé et ça entraînerait des ballonnements et autres symptômes qui sont quand même propres aux symptômes du côlon irritable chez des individus. Chez certains individus qui affirment être intolérants au gluten. Ouais! C'est peut-être deux affaires là, bien distinctes, OK? Mais j'ai hâte de savoir comment tu fais pour déterminer c'est lequel, par les tests. En fait, on se pose la question, est-ce qu'il faut consommer du gluten sans fructane? Est-ce que ça se fait du gluten sans fructane? Ça va être difficile, ça. Bien, c'est ça. Entre 2014 et 2016, les chercheurs ont recruté, en fait, une panoplie de participants qui se disaient intolérants au gluten. Et pendant une semaine, on leur a demandé de manger chaque jour une barre de céréales à base de gluten. Deux semaines plus tard, il s'agissait d'un autre type de céréales, de barres de céréales, on s'entend, et cette fois à base de fructane. OK. Donc, c'est possible de pouvoir créer quelque chose avec du gluten, mais sans fructane. Mm-hmm. Sachez-le. 15 jours plus tard, la barre de céréales contenait ni gluten ni fructane. Donc, on éliminait les deux. On a encore observé les mêmes personnes, les mêmes résultats. Et les scientifiques en sont venus à la conclusion que les barres étaient impossibles à distinguer entre elles. OK. Le goût était pareil. Tout. Ben, en termes d'apparence, en termes de goût, on ne voyait pas vraiment une différence. Le verdict, c'est que les volontaires ont éprouvé beaucoup plus de ballonnements et autres symptômes qui sont propres au syndrome, oui, du côlon irritable avec la barre de céréales au fructane. Beaucoup plus qu'avec celle qui contenait ni gluten ni fructane. Ah ouais, mais on voit jamais ça, fructane, sur les emballages. Ben écoute, apparemment qu'on parle d'une bonne proportion de 15% là, de ce monde-là. Ah ouais. Donc, de façon assez surprenante, en fait, en mangeant des barres contenant du gluten sans fructane, les patients n'ont pas déclaré d'avoir de problèmes intestinaux. On se sentait bien. On n'était pas trop au courant s'il y avait du gluten ou non, pour certains. C'est en enlevant la fructane, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de problème. Pour les chercheurs, c'est une conclusion, en fait, qui permet d'expliquer pourquoi certaines personnes continuent de souffrir de troubles intestinaux, même quand on exclut le gluten de notre alimentation. Ouais. Parce que ça arrive à certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes qui font des tests d'allergie au gluten, on s'entend. Mais pour certains, c'est juste un petit inconfort qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. On le sait, les aliments sont transformés. En 2017-2018, là, on est dans ces airs-là. Fait qu'automatiquement, si on mange, par exemple, du pain, ben on retrouve à l'intérieur du pain du gluten et du fructane. Mm-hmm. Si on élimine le gluten, on a peut-être encore du fructane. Ben oui, ben oui. Chose qui fait en fait allumer certains chercheurs sur la spécificité de la chose, que ça serait peut-être pas juste le gluten qui t'amène un petit problème intestinal, ça serait peut-être plus cette fameuse petite glucide, oui, qui est appelée la fructane. Oui, au vu de leurs résultats, en fait, ça a été très inattendu comme recherche. Ça a été très inattendu comme résultat aussi. On s'attendait à ce que les gens réagissent beaucoup plus mal lorsqu'on leur donnait la barre tendre au gluten. Mm-hmm. Et finalement, on s'est rendu compte que le gluten, sur certaines personnes, oui, ça faisait certains effets, mais sur d'autres, c'était pas grand-chose. Donc, on confirme la piste que les fructanes, ça serait peut-être plus important que le gluten lui-même. On exclut en fait l'alimentation, tout ce qui va être à base de blé lorsqu'on réalise qu'on souffre de troubles intestinaux pour la plupart du temps. En effet, les produits sans gluten, ça contient souvent des fructanes. D'autre part, ce sont des glucides aussi qui sont présents dans d'autres types d'aliments comme l'oignon, l'artichaut, l'asperge, le poireau, la banane. Donc, au vu de tout ça, le fructane, si vous vous dites que vous avez quand même des ballonnements, regardez votre alimentation, tu sais. Du gluten, t'en as pas dans une banane, OK? OK. Fait que si tu réalises qu'après avoir mangé une banane, t'as des ballonnements, bien, c'est fort possible que ce soit la petite fructane là, qui titille les intestins autrement que le gluten. Ça pourrait faire en sorte que certaines personnes pourraient changer leur alimentation encore une fois. On pourrait tout simplement peut-être renouer avec certains plaisirs de la vie qu'on a laissé de côté, considérant le fait qu'on avait des souffrances face au gluten. Et on va en éliminer d'autres comme ça. C'est triste. Difficile à vivre, ça. C'est très triste. Ouais. Mais quand même, c'est une étude qui a été publié en novembre, comme on le disait. Et il y a certains chercheurs qui révèlent en fait des risques d'infractus face à tout ça. C'est un régime sans gluten. Ça fait courir le monde, hein? On le sait, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas suffisamment accompagné de fibres. Donc, quand on manque de fibres, notre cœur aurait peut-être certaines complications à gérer la situation quand on mange plus de gluten. En fait, les travaux des chercheurs montrent qu'un régime sans gluten, ça diminue pas les risques cardiovasculaires chez certaines personnes. Dans certains cas, on pourrait même augmenter le trouble cardiovasculaire pour les gens qui ont ce fameux régime sans gluten-là. C'est une étude qui a été publiée. On a travaillé durant 26 ans [S2] Wow. [S1] Sur cette étude-là. C'est un portrait qui englobe plus de 100 000 personnes sans antécédent cardiaque, là. On n'avait aucun antécédent cardiaque lorsqu'on a fait les études. Et pendant cette longue étude, là, on s'entend, c'est très, très long, il y a 2431 femmes et 4098 hommes qui ont développé une maladie cardiaque. On devait remplir des questionnaires sur nos habitudes alimentaires, bien évidemment. On était surveillés, on faisait attention quand même à notre alimentation. Et l'analyse des résultats n'a pas révélé de lien entre la consommation de gluten et l'infarctus. Il semblerait pourtant qu'il y ait un risque indirect qui puisse exister. On confirme en fait en conclusion que ne pas consommer de gluten peut avoir pour conséquence une moindre consommation de céréales qui est complète. Ce qui protège en fait le système cardiovasculaire sur une base normale, c'est justement cette céréale complète-là. Et là, si on enlève de notre régime tout ce qui contient du gluten, ça fait en sorte qu'on enlève tout ce qui est céréale complète. Ça fait en sorte qu'on enlève cette espèce de petite protection-là au niveau de notre cœur, disons-le comme ça. Et le professeur Christophe Saylor, qui est chef de service endoscopie digestive à l'hôpital Georges Pompidou, a confirmé à Science et Avenir qu'il est possible de manger moins de fibres avec le régime sans gluten. Les fibres, ça pourrait avoir un effet protecteur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le système cardiovasculaire. Et pour en bénéficier dans le cadre d'un régime sans gluten, il faudrait consommer, par exemple, du riz complet, des fruits, des légumes qui sont riches en fibres et une discipline qui n'est pas toujours suivie, en fait, pour les personnes qui sont concernées, parce qu'on se dit que si on est allergique au gluten ou si on décide d'embarquer dans un régime sans gluten, il faut arrêter le riz, il faut arrêter beaucoup de choses. Il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne contiennent pas de gluten à la base, mais qui ont quand même des céréales complètes. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. On veut aller chercher le plus grand nombre de fibres. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui se portent volontaires pour un régime sans gluten semblent oublier ces fibres qui sont très, très importantes pour le cardiovasculaire dans notre corps. Les produits sans gluten, il y a près de 1% des Français, en fait, qui sont intolérants vraiment, là, qui sont allergiques au gluten. Les autres semblent être un pourcentage qui désirent aborder un mode de vie sans gluten. Mais pour certaines personnes, c'est un vrai handicap, là, en fait. On peut pas aller au restaurant, on va avoir des maladies coliques, tu sais, c'est vraiment, c'est pas le fun. Donc, on va bannir de notre alimentation le blé, le seigle, l'orge, un grand nombre de produits transformés et... sous l'unique terme de gluten, bien on dissimule quand même une bonne famille de protéines, là, on s'entend. Donc, il y a 80% des protéines du blé qui font partie de cette famille-là qui contient du gluten. Donc, automatiquement, oui, lorsqu'on décide de changer notre alimentation pour une alimentation sans gluten, on oublie le petit 20% qui reste à cette belle petite famille-là parce que, bon, 80%, on doit l'éliminer. Donc, tu sais, certains se disent, ben, tant qu'à éliminer 80%, moi, l'éliminer tout au complet. Mais c'est là qu'on réalise qu'on manque quand même de protection au niveau du cœur. Ça fait en sorte que certaines personnes peuvent avoir beaucoup plus de problèmes cardiovasculaires lorsqu'on décide d'éliminer ces gluten-là de notre alimentation. Dans les dernières années, il y a de plus en plus de personnes sans intolérance qui se tournent justement vers les régimes sans gluten. On constate parfois que les protéines vont causer un inconfort qui va être digestif. De la fatigue aussi, ou même des douleurs. Donc, le gluten, c'est mal supporté par beaucoup de personnes. Ça veut pas dire que tout le monde est allergique au gluten. C'est loin de là. C'est pas mauvais en soi, mais on précise qu'il y a une rumeur qui attribue au gluten des effets néfastes sur l'organisme. Il y a des intolérances, il y a des sensibilités ou il y a des allergies. Et c'est là qu'il faut faire la différence. C'est là qu'il faut consulter un spécialiste de la santé. Il faut faire des tests. Il faut voir comment est-ce qu'on se comporte face à tout ça. Parce que c'est vraiment différent, là. On peut avoir une sensibilité au gluten qui va être non colique, mais qui est encore plus difficile à dépister. Et c'est trois pathologies qui ont une prévalence, en fait, d'environ 5 %. Donc, c'est pas question d'entreprendre un régime sans diagnostic d'un médecin. C'est d'autant plus vrai maintenant qu'on connaît les risques potentiels qui sont liés justement à l'éviction du gluten dans son mode de vie habituel. Il faut justement aller voir un professionnel de la santé, lui demander « Est-ce que je suis juste intolérant? Est-ce que je suis allergique? » Ou selon vous, c'est une petite sensibilité. Si on parle de sensibilité, ben oui, tu vas faire un changement à ton alimentation, mais ça ne veut pas dire que tu vas éliminer le gluten au grand complet. Et encore une fois, bien penser au fructane maintenant. Pensez à cette petite glucide-là qui fait peut-être toute la différence au niveau de vos troubles intestinaux. Et qui sait? Qui sait? Peut-être est-ce que vous allez mieux vous porter. Une autre affaire à surveiller. Beaucoup de choses à surveiller. C'est fou quand tu réalises, par exemple, tu commences à te pencher sur la question du bien-être de ton corps, mm-hmm. juste au niveau de la nutrition ou de l'alimentation, à quel point il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que tu changes, beaucoup de choses qu'il faudrait que tu surveilles, justement, la quantité, la qualité, toutes ces choses-là. C'est fou, ça arrête juste jamais. Jamais. Fructanien Baudin. Merci. Exactement. Gluten, hey, quand, moi pis les suites, là, j'ai pas vu les glut 1 jusqu'à glut 9. Ah non? Que, en tristesse. Gluten, en tout cas. Bref, c'est les gags que j'avais en réserve, c'était pas fameux, fameux. Mais merci, Tania. Mais ça fait plaisir. On n'a pas le choix, vu que t'as parlé de barres de céréales tout à l'heure dans le test avec ces gens-là. On n'a pas le choix d'entendre le groupe Tendre. Bien sûr, barre Tendre, Tendre. Ah oui. Avec blablabla. Bla, bla. À son âge requis. Mm-hmm. Blablabla de Tendre à Assemblage Requis. L'émission continue dans même pas là, 2 minutes environ. Même pas, même c'est... pas. Même pas. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. If you pick up now, then I'll probably come home. Suitcase, marry me. I'm addicted to no one. And a part of me is here, another part of me is gone. Like heaven in a cave. cage, don't need a world that doesn't change. And did I stumble? I'm a little bit in pieces. Off, and I chose to be lonely. The words you wrote are echoing over everything I know. Seatbelt catches me like a friend in the unknown. A souvenir of a love I keep locked in my memory. Like heaven in a cage, don't need a world that doesn't change. And did I stumble? I'm a little bit in pieces. Churchill avec Second Hand Car. Si vous vous posez la question, qui est ce gars? On n'a jamais entendu cette chanson en ondes. Non. Sur nos ondes, dans l'émission. Eh bien, sachez qu'il va être en spectacle pour les Nuits polaires le 24 février prochain. Donc, sur la rue des Forges. Si jamais ça vous intéresse, bien, comme à chaque année, c'est gratuit. Et il sera accompagné de Karim Ouellet, un habitué. On l'a déjà fait jouer souvent ici à l'émission. On l'a reçu aussi en spectacle à l'UQTR avec C'est fou 89.1 FM. Alors, manquez pas ça, 24 février prochain à partir de 7h30 sur la rue des Forges. Moi, déjà, je vais être là. Je vais donner de mon temps, mais je vais avoir tellement un beau show. Ça va être incroyable. Gardez-vous. Venez me rejoindre. Et sachez que C'est fou est partenaire avec Nuit polaire. Ouais. Maintenant, c'est le moment, justement, parlant de divulgation et de messages publicitaires. Oui. On va faire ça de même. Je me lance dans le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Le bloc pub. Est-ce que t'aimes ça, Tania, quand je te dis pas à l'avance qu'on va faire une chronique comme le bloc pub? J'adore ça. C'est le fun. Ça met du piquant dans l'émission. Mais oui, exact. Donc, on va parler un petit peu de publicité, de marketing, comme on le fait toujours dans le bloc pub. Et évidemment, après le Super Bowl, on a pas choisi de revenir sur quelques trucs. On va pas y aller mainstream avec genre nos publicités préférées du Super Bowl, mais je vais parler de quelques concepts originaux qui ont eu lieu au Super Bowl. Par exemple, un concessionnaire de voitures qui a diffusé une publicité du Super Bowl félicitant la mauvaise équipe. As-tu vu ça? Ah non, j'ai pas vu ça. Mais c'était pas un accident. C'est ça qui est le fun. Ben voyons donc. Ouais. Hey, attends. Là. C'est un concessionnaire de voitures dans le Michigan qui a passé une publicité pour la mauvaise équipe du Super Bowl, mais le propriétaire est très content. C'est Subaru of Muskegon qui a acheté du temps d'antenne à une station de télé locale pendant le grand match, la grande partie, à la dernière minute sans aucune publicité, donc sans avoir eu de ce qu'on appelle un créatif, donc sans avoir eu de matériel à diffuser. À la place, ils ont juste diffusé un écran blanc avec ses logos, son site web et le texte « Félicitations les Patriotes ». Wow! Naturellement, les téléspectateurs ont rapidement commencé à se moquer d'eux en ligne. Hein. Ça avait l'air d'une erreur absurde, mais après ça, la compagnie est allée sur Facebook pour corriger le tout en disant que c'était... C'était voulu? Ben, c'était... Ben, pas... C'est pas... Pas nécessairement. Moi, d'après moi, il y a comme une petite manipulation ouais. des intentions genre là-dedans. J'aurais pensé que... Il disait que les chances étaient bonnes que les Patriotes gagnent. C'est vrai, et les chances étaient wonderful et qu'ils gagnent. Et que s'ils gagnaient pas, ils se sont dit que la publicité allait avoir de l'attention comme une publicité virale, tu comprends? Oui. Donc, ils disent que c'est voulu dans le sens qu'ils ont toujours mis les Patriotes et ils se disaient s'ils gagnent, c'est parfait, s'ils perdent, c'est parfait. Tu comprends? Mm-hmm. Sauf que s'ils avaient gagné... Il n'y aurait personne qui aurait parlé d'un écran blanc à la PowerPoint avec Félicitations et Patriotes. Clairement. Fait que, je sais pas. Il y a comme c'est un vrai, petit de flou faire là-dedans. Parler de façon incroyable présentement. Là. C'est ça. Donc, une façon nonchalante, si on veut, d'attirer de l'attention avec une explication donnée par après, excusant ce qui s'est passé avant, alors que d'après moi, c'était pas nécessairement tout à fait voulu. C'était plus un 50-50, pile ou face, parfait. On y va avec ceux qui ont le plus de chances de gagner. Mais bref, l'idée est quand même vraiment cool, même si c'est pas. Même si c'est un mensonge d'avoir dit que c'était voulu. Ensuite, il y a une agence créative de Minneapolis qui a créé une machine distributrice de boules de neige pour les gens qui se présentaient au Super Bowl. OK. C'est cool, hein? Donc, c'est la compagnie Space 150 qui les a faites à la main. Ouh! Donc, les gens qui se présentaient au Super Bowl de Minneapolis, il y a une publicité, une agence, oui, créative, locale, qui donnait aux gens la chance d'avoir des boules de neige du Minnesota. Hein? Donc, Space 150 qui a déployé sa propre machine distributrice à 15 minutes environ du site du Super Bowl Live, le Super Bowl 52. Ils ont fait à la main ces petites boules de neige. Ils les ont placées à l'intérieur d'une petite canette. Oui. Canette personnalisée. Ben oui, avec la date de création dessus, à la place d'avoir une date de péremption, tu comprends? La machine distributrice qui était donc similaire au lac, aux 10 000 lacs gelés du Minnesota. La machine contenait 500 boules de neige et disait que chaque boule de neige était créée à la main par de vrais gens du Minnesota. Vous pouvez en prendre une à la maison, et l'amener à la maison et lancer ça sur vos amis. Wow. C'est bon. Donc, ça célèbre la région et ça célèbre le fait que 5 ou 6 mois de l'année sont pas mal frettes à cet endroit-là. Assez froid au Minnesota en ce moment. Très bonne idée. J'aime ça. Ensuite... Allons-y, toujours au Super Bowl avec Intuit qui a créé, qui a utilisé de façon créative ses 15 secondes de publicité dans le Super Bowl pour skipper sa propre pub. Ah, OK. Ouais. C'était leur première publicité dans le Super Bowl, donc leur grand début avec une publicité de 15 secondes d'une agence qui s'appelle Phenomenon, accompagnée de Passion Animation Studios. Donc, la publicité faisait partie de leur première campagne corporative avec une publicité plus longue et normale par Phenomenon et le studio d'animation sur Internet. Passion Animation Studios, qui est plutôt connu pour les campagnes qu'ils ont fait pour Chipotle et Spanish Lottery, donc la loterie espagnole. Et donc, c'est une publicité animée qui nous parle des services TurboTax et QuickBooks de la compagnie Intuit. Et ça dit qu'on peut sauver du temps aux clients. Donc, il y a deux personnages de la longue publicité qui est en ligne, mais qui sont utilisés en 15 secondes. Et ça utilise le fait qu'ils ont seulement 15 secondes avec un bouton pareil comme sur YouTube disant « Sauter la publicité » en bas à droite. Et ça termine la publicité en disant genre « Savourez, amusez-vous pendant le match », donc « Enjoy the game ». Donc, littéralement, les deux personnages et le bouton « Skip ad » dans le coin pour se rendre un petit peu originaux. Voilà. Et puis, c'est pas mal ça pour ça. Pour le Super Bowl et Intuit. Mm-hmm. Ensuite, peut-être as-tu entendu parler de Kraft qui a mis en vedette des vraies photos de famille pour sa première publicité Super Bowl en temps réel. Mais non, je peux dire ça. Ouais, même que pendant plusieurs jours avant le Super Bowl, il demandait aux gens d'envoyer leurs photos de famille. Donc c'était leur première publicité pour le Super Bowl dans le troisième quart du Super Bowl avec des vraies photos de famille. C'est une publicité de 30 secondes créée en temps réel, montrant des enfants, des parents, des animaux de compagnie. Donc ils ont commencé à ramasser des photos et des vidéos sur Twitter et Instagram à 6h le jour du Super Bowl. Et ça s'est terminé à 20h30 et on a sélectionné les gagnants qui avaient utilisé le hashtag FamilyGreatly, hashtag CraftEntry. Lorsqu'ils avaient annoncé leur initiative la semaine dernière, ils avaient dit qu'elle allait inclure autant de photos qu'ils recevaient raisonnablement dans le temps qu'ils ont entre donc 6h le matin et 20h30 le soir. Ça fait partie de leur campagne FamilyGreatly qui centre donc sur des parents qui se soucient de ne pas être parfaits. Voilà, vous pouvez aller voir la version au complet de la grande partie de sport, Sportsball, sur assemblagerequis.com. Ensuite, un autre concept original du Super Bowl dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, en tout cas j'espère que vous n'avez pas entendu parler de tout ce que je vous dis là, vous avez sûrement entendu parler des publicités vraiment connues du Super Bowl, peut-être que celle-là c'est le cas, celle de Skittles. As-tu entendu parler de la pub du Super Bowl de Skittles qui était diffusée pour une seule personne? Non. Une seule personne était le public de cette publicité de ben Skittles. Voyons, non. Et maintenant on peut aller derrière le rideau pour voir la réaction du garçon qui regardait cette publicité-là qui était juste pour lui et il nous dit qu'est-ce qu'il y avait dans la pub. OK. Hein? Donc, dans le chaos des nombreuses publicités du Super Bowl, c'est peut-être pas celle qui a été la plus vue, en tout cas, je sais pas. C'était un Facebook Live orchestré pendant le match qui montrait une seule personne qui regardait sa publicité du Super Bowl et le public Facebook regardait l'enfant regarder ça. Hein? Donc, c'est une diffusion de 18 minutes qui a eu lieu en ligne. On n'a jamais vu la vraie publicité. On a seulement vu Marcos Menendez en train de regarder la pub. On a eu quelques petits indices parce que Menendez avait le droit de décrire la publicité par après. Menendez dit que la publicité mettait en vedette David Schwimmer, Ross dans Friends. Hein? La publicité est créée par DDB, donc David Schwimmer avec des yeux très très brillants, comme on l'a vu dans un des teasers de la publicité, parce que quand même Skittles a sorti quelques teasers à l'avance. Le scénario, c'est donc Schwimmer qui se promène et qui tire sur des gens avec des lasers qui sortent de sa bouche. Et tout le monde qui se faisait frapper par le laser se transformait en Skittles. Oh, c'est wow. La publicité telle que décrite. Amusant pour Marcos Menendez seulement. Hein. Ils ont d'ailleurs filmé une portion de la publicité chez Menendez et même que sa mère apparaît dans la pub. Wow! Oh, c'est cute! C'est vraiment le fun comme idée. Allez voir ça. C'est sur assemblagerequis.com. Il y a seulement le teaser que vous pouvez voir. Donc, David Schwimmer avec ses yeux qui brillent disponible. C'est un 25 secondes sur le site. Le reste, la publicité ne devrait jamais être disponible parce que c'était le but de la chose. Voilà. Ensuite, allons-y avec... Ah, j'aime ça. Quand je vais trop souvent sur le même site, on me dit « Vous avez regardé trop d'articles gratuits. » Ah, mon Dieu, c'est la chose la plus... Je sais. Enrageante. Est-ce que tu sais ce que t'as à faire dans ce temps-là? Parce que moi, c'est ce que je fais. Tu refresh, non? Non, ça marchera pas, ça. Je sais. C'est vraiment super simple. Pour ceux qui vivent ça, c'est une information, un service d'annonce publique que je vous fais en ce moment. Allez dans votre Google Chrome ou Facebook ou votre Firefox et ouvrez une nouvelle fenêtre en navigation privée. OK. Et copier-coller l'adresse dedans. Pour vrai? Ça fonctionne. Parce qu'en tant que tel, ça laisse pas de traces le mode de navigation privée. Fait que donc, il n'y a pas de cookies sur ton ordinateur pour dire au site web que tu as eu tes 10 articles. Ah, c'est le fun, ça. Fait qu'une fois que tu sais ça, ça sert plus à rien de nous bloquer le chemin. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que pour vrai, en tout cas, bref. Nuire aux lecteurs, hein, c'est 2018. As-tu entendu parler d'Alexa? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le petit haut-parleur d'Amazon que tu peux lui parler? J'ai vu la... C'est-tu Alexa, son nom? C'était le Google Home Mini, peut-être, que t'as vu, toi. Non, ou le HomePod d'Apple. D'Amazon. Ben, c'est lui. C'est Alexa. Alexa, OK. Exactement. J'ai vu une pub cette semaine de voilà. ça. Voilà, ben voilà. Donc, Amazon, hein, qui voulait partager le bonheur de ses haut-parleurs qui fonctionnent avec Alexa lors du grand match de dimanche dernier. Un petit 90 secondes, ça, c'est sûr que vous l'avez vu, avec Gordon Ramsay, Rebel Wilson, Anthony Hopkins, Cardi B et Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, créateur d'Amazon. Bref, le mot Alexa a été dit 10 fois pendant la publicité au Super Bowl. Mais j'en doute pas. C'est ça. Mais c'est très bon comme pub. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, ça, c'est ces pubs-là, vous les avez vus, c'est sûr, on n'en parle pas. Ce dont on parle, c'est le fait que Amazon Echo, qui est le nom de l'appareil du petit haut-parleur, mettant en vedette Alexa, mais c'est que ce qui est le fun, c'est que le Amazon Echo ne s'est pas allumé à chaque fois que le mot Alexa était dit. Normalement, quand tu dis Alexa, le haut-parleur t'écoute. Oui. Mais c'était programmé exprès pour que ton haut-parleur ne réagisse pas pour rien pendant la pub. Ah, oh, wow! Ça aurait été dérangeant. Ben oui, vraiment. C'est déjà arrivé avec Google et d'autres publicités. Je crois que c'était Burger King ou avec une pub, là, ouais. Mettons, OK Google. Exactement ça. C'est pas le fun quand ça arrive. Mais non. Donc, une porte-parole d'Amazon explique pourquoi, mais sans trop aller dans les détails, ils disent avoir modifié leur publicité Alexa pour minimiser les faux positifs sur le Amazon Echo. Donc, ils ont pensé à ce problème-là pendant très, très longtemps avant même d'amener Echo sur le marché. Un brevet de septembre 2014 d'Amazon parle de Audible Command Filtering, donc filtrage des commandes audibles, décrivant une technique qui empêche Alexa de se réveiller lorsqu'une diffusion est regardée par une très grande population, par exemple un événement sportif. Hein? Okay. Ils ont vraiment, vraiment pensé à ça. Ça décrit deux techniques. La première transmet un extrait de la publicité à Echo avant que la diffusion soit faite. Donc, ça envoie un petit bout de publicité dans le segment précédent. Et ensuite, l'Echo peut comparer la commande en direct à une empreinte acoustique de l'extrait pour déterminer si la commande est authentique. Alors que la deuxième tactique décrit comment la publicité elle-même peut transmettre un signal acoustique inaudible pour dire à Alexa d'ignorer son mot. D'après moi, c'est probablement plus ça parce qu'Amazon n'a pas de contrôle sur ce qui est diffusé avant. Fait que je vois pas comment ils pourraient envoyer un extrait de la pub avant. D'après moi, c'est un signal inaudible et c'est vraiment excellent comme idée. C'est fou, c'est vraiment cool. Vraiment. Ensuite, Tide. Oui. Tide et ses Tide Pods en ce moment. Hein? Ouais. Le plus grand sujet de conversation. Exactement. As-tu entendu parler un petit peu de ce qu'ils ont fait au Super Bowl? Tide, ils ont fait beaucoup de publicité. Ben, c'est ça qui est cool. Ils ont gagné... Mais jamais sans dire le mot Tide Pod. C'est dans les publicités de d'autres marques. Oui. Ce qui était vraiment original, ils ont gagné le Super Clio, qui est le nom d'un prix pour leur campagne publicitaire pour le Super Bowl. Mais tu sais, en même temps, là, c'est tellement intelligent parce que là, tout le monde a le mot Tide dans la tête sans que ça soit la faute à Tide. Exactement. Ben, en fait, non. Attends, décident d'en manger. OK, là, toi, tu parles du Tide Pods. Tu parles pas du Super Bowl. Non, mais je parle des deux. Okay, en fait, l'idée de Tide de s'incruster dans les publicités au Super Bowl, meilleure idée de marketing ever. Ils n'ont pas le choix de se refaire présentement. Il y a des places où ils ont retiré les produits Tide des tablettes à cause que les jeunes en mangeaient. Tu sais, c'est pas de leur faute si les jeunes sont imbéciles. Exactement. Donc, pas le choix. C'était vraiment cool. Moi, j'ai aimé cette idée-là. C'est probablement la meilleure idée, mais c'est ça. Ils ont gagné le Super Clio présenté au Clio Awards. Ils ont été aussi choisis par Adweek comme meilleure publicité de la partie où chaque pub commence avec des gens qui portent des vêtements bien propres. Et ça commence comme n'importe quelle publicité de Super Bowl jusqu'à temps qu'on révèle que ça devient une publicité de taille. Donc, allez voir ça. Les quatre ensemble sont dans un article sur assemblagerequis.com. Ensuite, as-tu vu celle de McDonald's et ses publicités de pets? Non. Non. C'est McDonald's Canada qui fait la promotion de son Big Mac et Bacon édition limitée avec une publicité monochrome qui présente des experts culturels prétentieux avec accent exagéré qui philosophient ou peu importe sur l'union du bœuf et du porc. Hein? Donc, ils se sont inspirés par une compagnie de mode qui pourrait lancer une collection exclusive. Ça, c'est la chef du marketing, Antoinette Benoît. Même son nom est prétentieux. Ah, oh, excuse-moi, faut pas que je sois méchant, barbe méchant. Son nom est vraiment prétentieux, Antoinette Benoît, on va se le dire. Ouais. Bref, chef du marketing chez McDonald's Canada. Vous pouvez aller voir les publicités, c'est des vidéos sur assemblagerequis.com qui nous parlent du menu qui représente la combinaison de deux grandes choses fusionnées en deux différentes idéologies. Fusion de deux idéologies différentes, voilà. Et en fait, donc, Big Mac avec du bacon, je trouve que c'est vraiment rien de nouveau. Mm-hmm. Mais c'est comme ça qu'on le présente, comme c'était un article de mode. Ensuite, quatre personnes ont pu relaxer et vivre comme ça grâce à une compagnie de voyage. Ils ont pu relaxer, mais je dirais devant public, pas mal. Ah ouais? Ouais. Donc c'est, parlons de ODD Company pour TUI Nordic. En fait, c'est une agence de voyage basée à Stockholm. Ça fait partie d'une campagne qui s'appelle Vacation Beach qui a eu lieu en ce début d'année. Le 14 janvier, ils avaient reçu 5435 applications de la part de 26 pays. Donc, ils cherchaient des applicants pour faire le moins de choses possible et puis pouvoir passer des journées, dans le fond, à relaxer. C'est tout. C'est donc l'idée derrière Vacation Beach, d'amener deux personnes qui avaient besoin de vacances en Suède. En faisant semblant. Donc, du 22 janvier au 4 février, les quatre gagnants étaient en plein milieu de la station de train Stockholm Central Station. Ils pouvaient faire leur sieste, lire et se faire bronzer à l'intérieur d'une boîte de vitres. Oh, d'accord. Donc, c'était comme un zoo humain. si on veut, une publicité vivante qui profitait de l'empathie des gens. Donc en Suède, en ce moment, en hiver, il fait moins 4 degrés Celsius en moyenne. Il y a seulement 5 heures de sommeil par jour au mois de janvier. Ça ressemble pas mal au Québec, finalement, la Suède. Hein. Alors que la boîte était en plein milieu de l'espace public, modelée en s'inspirant de la Playa de Muro à Mallorca, en Espagne, avec du sable, des chaises longues et une température artificielle élevée estivale. Donc, 4 paresseux professionnels ont été choisis en tout et on peut les trouver entre 7h et 19h avec un changement de quart au milieu dans cet endroit public. Vraiment, vraiment cool. Et il y avait un salaire de 20$ de l'heure pour aller paresser comme ça. C'était l'idée de la campagne. J'adore ça. Ensuite, Tania, la chose que tu mettrais jamais dans tes sandwichs maintenant que tu as passé l'âge de 10 ans, qu'est-ce que ce serait? Que tu mettrais jamais dans ton sandwich? Quelque chose que je mettrais jamais dans mon sandwich. Quelque chose que les gens mettent rarement de nos jours. Chose que quelqu'un dit. Hein? Des cornichons? Non. Moi, j'ai ça. Pas dans un sandwich, man. OK, t'aurais pu dire du cam, ça aurait été quand même la première réponse que j'aurais pensé. Ah, mais j'ai jamais mis ça dans mes sandwichs. Il y en a qui mettent ça dans du sandwich, mais c'est pas le sujet du prochain, c'est du pari-pâté. Oh! Qui aurait été ma réponse à moi, probablement, du pari-pâté. Mais il y a une nouvelle plateforme publicitaire signée BRAC pour la marque pari-pâté de la compagnie Aliments Ouimet Cordon Bleu. Okay. C'est eux qui font pari-pâté. Je savais pas. Bref, l'agence BRAC qui lance une nouvelle plateforme publicitaire dans laquelle la marque, qu'on appelle aussi Pépé des fois, est le compagnon parfait d'une vie saine, active et pépé. Hein? La vie pépé de pari-pâté, tu comprends? Le pépé, pari-pâté. Oui. Donc c'est l'hymne entraînant « Toi, es-tu pépé? » Et la campagne met l'accent sur la nouvelle image et les emballages revampés de pari-pâté en montrant une succession de gens qui sont pépés, chacun à leur façon. L'utilisation d'objets de forme ronde rappelle l'emballage iconique qui fait partie du paysage québécois depuis 1933. La dernière fois, d'ailleurs, qu'ils en ont vendu, je crois. L'offensive se décline dans un message télé de 15 secondes, une publicité pré-vidéo pour YouTube et autres, et deux messages radio qui sont diffusés en ce moment dans les marchés francophones et anglophones. Vous pouvez entendre ça si vous écoutez une autre radio que la nôtre pour vous faire vendre du pari-pâté. Je suis content qu'on vende pas de pari-pâté, c'est fou. On dirait. Ouais. Mais bon, s'ils veulent nous appeler puis en acheter de la pub. Ben, hein, écoutez, payez. Pari-pâté, moi de pépé, moi aussi, bon. Hein? Ah, c'est ça. Ensuite, les gens de chez Stella Artois qui ont fait attendre les gens en ligne, en file. C'est une extension de leur effort pour le Super Bowl qui est encore water.org avec Matt Damon qui a surpris des gens dans des restaurants et des hôtels. Matt okay. Damon, hein? Donc, c'est AB & Bev et leur marque Stella Artois qui est sortie très tôt pour le Super Bowl avec une publicité de la part de Mother mettant en vedette Matt Damon et parlant de leur partenariat avec water.org. Donc, la marque maintenant qui sort une campagne numérique créée en collaboration avec water.org et VaynerMedia, ça c'est la compagnie de c'est Gary, je crois, Vaynerchuk, donc qui met en vedette le cofondateur de water.org, Matt Damon, oui, qui élabore sur le message de Stella Artois et l'organisation charitable. C'est une vidéo qui vient d'une cascade publicitaire où on voit les gens dans un restaurant et un hôtel se faire dire qu'ils ont plus d'eau dans l'hôtel ou dans le restaurant. Il n'y a plus d'eau. Okay. Donc, des caméras cachées capturent la réaction des gens alors qu'ils apprennent qu'ils vont avoir à attendre 6 heures pour avoir un verre d'eau ou pouvoir prendre leur douche. Et ensuite, Damon apparaît sur un écran déguisé pour livrer le message qu'il y a une crise d'eau dans le monde. Hein, et l'intention, c'est bien sûr de faire penser au fait que c'est pas tout le monde qui a accès aussi facilement à l'eau. Donc, une campagne de Stella Artois et Watcher.org, ça a été diffusé le jour après le Super Bowl, c'est ça? Oui. Ouais, et ça va être diffusé jusqu'au 9 février. Voilà. Ensuite, ben voilà, ça va être tout. Je regarde l'heure et c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Mais c'est le fun de pouvoir parler de publicité quand on a un trou une fois de temps en temps. Ben oui. Hein? Merci. Mais c'est tellement des sujets qui sont... le fun. Pertinent. À discuter. Ouais, et j'aime ça, le marketing. Ben oui. Donc, les notes de l'émission numéro 1199 pour les liens vers les vidéos et tout ce que j'ai mentionné dans cette chronique. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Déjà. Ça passe si vite, tout ça. Ah. Merci à Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin. Merci à toi, Tania Bonin. Merci à toi, Mathieu Plante. On retrouvera David Ferron qui fait sa chronique d'habitude le mercredi demain. Hey, incroyable émission demain. Hey, ça va être chargé, le temps passe. Manquez pas ça. J'ai des frissons tellement. L'émission va être chargée demain. On va s'en sortir, par contre. Ben oui. David Ferron va être avec nous de 7h à 8h demain. Donc, on va faire la chronique Zone Campus et ensuite une entrevue avec Sophie Villeneuve. C'est dans l'émission de demain. Ça commence à 7h. Après ça, on va avoir la visite d'Alassane Yacouilly. Pas pour sa chronique Le Bus Magique. Non. Ça, notre deuil est fait, je crois. Nous allons discuter d'un petit sujet. De français. Qui est l'École internationale de français. Ouais. Et après ça, en fin d'émission, on devrait parler du concours musicalité, mais ça, on en reparlera demain. Ouais, on vous fait un peu le punch. Il faut garder un petit tease pour vous attirer. Et puis, ben, justement, pour vous garder en haleine jusqu'à la fin de l'émission, demain, une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Évidemment, c'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes aujourd'hui, restez à l'écoute parce que c'est toujours aussi chargé. Compte à rebours est en rappel en quelques minutes. Ensuite de ça, je vais être de retour, moi, pour le Mathieu Plante Show à partir de 15h avec le chroniqueur Frédéric Simon. Hein? Mm-hmm. Puis après ça, Audiomatique à 17h, EcouteNom.ca à 18h et Lobtrotter à 19h. On se retrouve demain matin. Bye bye. Bye, bon café tout le monde. Mm-hmm.